Vai para o final, está a partir. Les passagers pour le vol Arc-en-Ciel-Orléans sont invités à se présenter à la porte d'embarquement du vol 96.2 FM. Départ imminent. Please read your new text message. Chers passagers, dernier appel pour le vol Didier Enco, porte d'embarquement 96 2FM. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. C'est Didier, votre pilote, qui vous parle. Aujourd'hui, dans Didier & Co, c'est un vol spécial découverte depuis la foire Exposition d'Orléans avec pour invité 2026 le Portugal. Nous sommes positionnés au stand D26 Radio Arc-en-Ciel sur 96.2 et en streaming sur notre site radio-arc-en-ciel.com. Mesdames, Messieurs, chers passagers, le temps du décollage, je vous demanderai d'attacher votre ceinture. La météo est parfaite pour ce vol. Le temps est clair, le vent est nul. Je vous souhaite un agréable voyage avec la compagnie Arc-en-Ciel et votre pilote Didier. Attention, nous décollons. Notre altitude de croisière de 31 000 pieds, soit 9500 mètres. Vous pouvez déboucler votre ceinture. Vous êtes sur la fréquence 96.2 à bord du vol découverte Didier & Co. Écoutez attentivement. Le compte à rebours est lancé et votre mission, si vous l'acceptez, est de rester connecté sur cette fréquence de 96.2. Ici, on oublie les interférences du quotidien. Entre talk et musique, je serai votre guide, votre point d'ancrage dans cet océan de son. Ne changez rien, le signal est parfait. Je vais vous faire voyager, un périple immobile à travers la sélection des stands de ma programmation. Des pépites sonores, des rythmes venus d'ailleurs et des mots qui font mouche. Préparez-vous à l'immersion, ma sélection est prête. Les oreilles aussi, la mission commence. Maintenant. Salut, c'est Stéphane Bessaran et j'écoute Didier & Co sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Salut vous tous, c'est Dérapade sur Arc-en-Ciel 96.2. Nous sommes avec Didier & Co. Didier & Co. Arc-en-Ciel, Orléans, 96.2 MHz. C'est Stéphanie d'Orléans. J'écoute Didier & Co sur 96.2 Orléans à Arc-en-Ciel. Bonne journée. J'ai marché sous la pluie des silences, les regards froids, les absences, le cœur battant dans le néant, comme une ombre sans présence. J'ai cru tomber dans mes blessures, à bout de souffle, sans armure, mais même au fond de l'obscurité, une étincelle n'a pas cessé. J'ai fermé les yeux pour respirer, appris à danser dans la tempête, les murs se brisent, je vois la lumière, le vent murmure, tu n'es pas seul sur la terre. Je me relève, même si tout s'effondre, je me relève, même cicatrices, comme des routes, comme des prémices. Chaque douleur m'a construite, chaque chute m'a rendue plus droite. Les mots qu'on tait, les larmes qu'on cache, deviennent force quand le temps les détache. Et dans mes yeux brille un miroir, celui d'un monde qu'il faut croire. J'ai brisé les chaînes du passé, appris à marcher sans regret. Le vent me pousse vers la lumière, je n'ai plus peur de ma propre guerre. Je me relève, même si tout s'effondre. Je me relève, même seul dans l'ombre. Je porte mes rêves comme des flammes. Rien n'éteindra la lumière de mon âme. Je me relève encore une fois. Et si demain me fait tomber, je saurais mieux me relever. Car chaque larme a façonné en femme libre. station Hypnotise avec 3Z. J'écoute DJ & Co, Radio Arc-en-Ciel sur 96.2 Orléans et ça me donne la pêche. J'espère que tu m'entends bien. Voilà, on est en direct de la Foire Expo, puisque ça va te donner la pêche. Et bon, on va voir jusqu'où ça va te donner la pêche. Donc, bienvenue sur le stand de Radio Arc-en-Ciel. Il est 14h20. Et puis, on va pas t'hypnotiser, mais on va te questionner un petit peu. Alors, écoute, je te remercie, Didier, de m'avoir invité sur Radio Arc-en-Ciel. Et puis, surtout pour parler d'hypnose. Moi, ça me plaît énormément. Et puis, ça me donne la pêche, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Tant mieux. Alors, nous allons commencer avec une question toute simple, mais essentielle pour, simplement pour nos auditeurs, que je salue bien évidemment, les auditrices, bien évidemment. On ne les oublie pas, qui découvrent le sujet. C'est quoi l'hypnose, selon toi, en quelques phrases? Eh bien, on pourrait dire de façon technique que c'est un état modifié de notre conscience, mais ça ne parle pas obligatoirement à tout le monde. J'aimerais plutôt parler d'une petite image. Tu vois, par exemple, quand un gamin de 7-8 ans, il est en train de jouer aux cow-boys et aux indiens. Ouais. Eh bien, l'état d'hypnose, elle est là. C'est toute la magie de notre imaginaire. D'accord, c'est tout ce que notre imaginaire, il est capable de faire, de projeter dans notre cerveau. Eh bien, on le projette également dans nos actes, dans nos comportements. D'accord. Et l'avantage, c'est que ça marche pour tout ce qui est spectacle, mais ça marche également pour tout ce qui est thérapeutique et médical. D'accord. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, on va dire. Donc, on entend souvent parler d'hypnose, mais l'hypnose de spectacle et l'hypnose thérapeutique, l'hypnose de rue... C'est quoi tout ça? Alors tout ça, c'est des petits domaines qui se séparent juste parce qu'il y a des attendus différents. Quand tu parles d'hypnose médicale, on va parler d'anesthésie, on va parler d'opérations à cœur ouvert, à cerveau, on va faire des opérations qui vont permettre justement de diminuer très fortement la partie sédation chimique. Ça, c'est l'hypnose qui est dédiée au médical. L'hypnose thérapeutique, c'est par exemple, c'est un accompagnement. C'est un accompagnement, par exemple, pour les gens qui veulent arrêter de fumer, qui veulent gérer leur poids, les gens qui ont des problèmes de stress, les gens qui veulent gérer le tabac, les allergies. Tout ce que comme je te disais, tout le cerveau, c'est une belle machine, mais ce n'est qu'une machine. Et cette machine, des fois, elle nous fait faire des choses qu'on n'a pas envie. Et tous les comportements... qui nous gêne, eh bien, on est capable de les enrayer, de les faire revenir en arrière et de reprogrammer son cerveau avec le thérapeutique. Puis il y a aussi l'hypnose de rue, bien sûr. Donc avec Hypnotise, on fait de l'hypnose de rue, on fait de l'hypnose de spectacle. En fait, le but, c'est de faire découvrir à tous ceux que l'on rencontre ce que c'est que l'hypnose réellement. Le voir sur Internet, le voir à la télé, le voir dans des bouquins, c'est bien. Le tester soi-même, c'est autre chose. Là, on peut vraiment en parler. Quand on peut croiser une personne puis avoir une personne qui te dit « moi, je l'ai testé, voilà ce que j'en pense, voilà ce que j'ai vécu », ça a une autre portée que de dire « ah, je l'ai vu sur Internet ou je l'ai vu à la télé ». Moi, je l'ai vu en réel dernièrement avec Alain sur une vidéo qui tourne actuellement sur les réseaux et notamment sur la page Didier & Co. On a eu l'occasion en direct. Oui, il avait le rire facile, je crois. Voilà, il était très, très réceptif, il était assis. Et on l'avait eu bien rire d'un fameux pull jaune et la vidéo tourne un petit peu sur le web, sur la d'ailleurs, page. D'ailleurs, je crois que le pull jaune, elle l'a pas remis là aujourd'hui. Non, elle l'a pas remis, elle est en noir aujourd'hui, mais on va essayer on va tenter de la reséduire tout à l'heure pour qu'elle vienne voir si elle aime toujours le chocolat. Alors, côté public, quelles sont les idées reçues que vous entendez le plus souvent? Alors, bien souvent, les gens, ils ont un petit a priori, c'est « je ne veux pas qu'on prenne possession de moi ». Ben, on ne prend pas possession des gens du tout. En fait, on suggère des choses, et si ces suggestions sont sympathiques, elles sont acceptées, elles sont faites. C'est un petit peu comme si, je reprends l'exemple du gamin de 7-8 ans qui joue aux cow-boys et aux indiens. Si dedans, dans son jeu, tu lui amènes quelque chose qui ne lui plaît pas, ça ne va pas lui plaire. Bien sûr. Et voilà. Donc en fait, l'hypnose, c'est quelque chose de totalement naturel et que l'on voit, que l'on expérimente tous les jours. Ouais, on va peut-être en parler un petit peu plus tard parce que tu es presque pendant une heure avec nous là sur le stand. Puis je sais que tu as quelques amis qui sont venus te rejoindre. Oui, il y a Fabrice, il y a Michel qui sont là en train de... Michel, c'est celui qui a hypnotisé Alain, le présentateur qui est sur la vidéo. Oui. Et ils vont parler à tour de rôle un petit peu. Je vais vous repasser la sucette entre deux morceaux musicaux. voilà, on va vous passer un petit peu sur le grill cet après-midi. Donc toujours au stand Radio Arc-en-Ciel, D26, foire exposition spéciale invité Portugal. Alors, les gens pensent qu'en fait, qu'on dort, qu'on perd le contrôle, qu'on peut être manipulé. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Alors, les gens pensent qu'on dort. C'est vrai que quand on regarde les gens qui sont en état d'hypnose, on a l'impression qu'ils dorment. Mais ce n'est pas du sommeil. En hypnose, il y a une réponse à nos suggestions. Pendant le sommeil, il n'y a pas de réponse. En fait, ce qui se passe, c'est que les gens sont dans leur bulle, un petit peu à la manière d'une personne qui regarde un film et qui est vraiment dans sa bulle. Eh bien, c'est exactement la même chose, sauf que l'histoire, eh bien, c'est la personne qui l'a créée elle-même. En fait, ce n'est pas une perte de contrôle, c'est une reprise de contrôle. D'accord. Toute la personne, toutes les personnes ont une facilité d'imagination et on joue justement avec leur propre imaginaire. D'accord. Est-ce qu'on peut être manipulé? Je dirais que tout est manipulation. À partir du moment où on parle, on est manipulable et on est manipulé. D'accord. Et bien, lors d'une conversation, on a tous cette capacité à changer d'avis. Et bien, pourquoi est-ce que l'hypnose ferait exception? Non, c'est juste une conversation. Par contre, on converse avec la personne et c'est d'après les idées de la personne qu'on joue. C'est pas nos idées à nous. Nous, nos idées, aucun intérêt. C'est juste les idées de la personne, qui sont intéressantes. Ok. Eh ben, tu sais pas ce qu'on va faire. Ben, je vais te proposer une petite escale musicale. Hein. Allez. On va passer sur un morceau que tu nous avais choisi, que tu m'avais envoyé. Et puis, je vais le passer directement en ligne, là, en direct de la Foire Expo. Musique, c'est parti. Voilà, ça va venir, la musique, tout doucement, ça monte. Le son devrait monter en puissance. C'est parti pour le voyage, alors. Eh bien, j'ai pas de son. Ah, le son ne passe pas. On va être obligé de chanter à la place de la chanson. Oui, si tu veux, entre-temps, tu peux éventuellement chanter. Je connais un peu la chanson. Voilà, écoute, en attendant, je vais glisser nos amis punk à bretelles. Je vais peut-être... voilà. Eh bien voilà, on est donc revenu un petit peu sur sur le salon après ce morceau musical et cet intermède. Il y a eu un petit peu de mal à démarrer, mais bon, ça arrive, c'est les lois du direct. On va dire ça comme ça, voilà, il faut monter les potards, il faut être un petit peu partout, four au moulin, mais ça fait partie des attributions de l'animateur qui est en même temps technicien. Voilà, donc on en était, les gens pensent qu'on dort, qu'on perd le contrôle, qu'on peut être manipulé, qu'est-ce qui est vrai là-dedans et qu'est-ce qui ne l'est pas. On va reprendre la question un petit peu, que je réécoute un petit peu ça plus précisément. Eh bien, comme je te le disais, on n'est pas manipulé, les gens ne dorment pas. En fait, les gens ont une capacité, c'est l'imaginaire. Et on joue justement avec l'imaginaire des gens. En fait, on travaille qu'avec ce que les gens nous apportent. Ce n'est pas nous qui imposons notre façon de faire, etc. Le but, c'est que les gens puissent s'exprimer, exprimer vraiment tout ce qu'ils ont en eux. D'accord. Donc, moi, j'ai vu lundi, notamment, quand vous êtes venu faire votre démo, oui. Comme cet après-midi, vous allez la faire. J'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient hypnotisables, si on peut dire comme ça, mm-hmm. et d'autres un petit peu moins. Est-ce que tu peux oui. expliquer ce que tu as ? Alors, la réceptivité en hypnose, eh bien, ça dépend essentiellement du contexte dans lequel la personne elle est. Imagine une personne qui est libre, qui se promène parce qu'elle a envie de se balader, elle n'a pas de soucis, eh bien là, elle sera facilement hypnotisable parce qu'elle a le temps. Alors qu'une personne qui est occupée, parce que par exemple, elle occupe un stand, et puis elle a des clients qui sont là, et puis moi je lui parle d'hypnose, eh ben, elle ne va pas être présente pour moi. Oui, d'accord. Oui. Tu vois, il y a vraiment une... Il faut quand même qu'elle soit focus sur ce que tu fais, voilà. Voilà, tout à fait. L'hypnose, ce n'est pas un truc où je suis complètement absent. Non, en fait, les personnes sont complètement dans leur action. D'accord. C'est un rêve où ils sont en interaction. Voilà, c'est un rêve, il y a un petit peu un rêve éveillé, on va dire. C'est un rêve que l'on... Oui, éveillé. Les gens ne dorment pas. Ils sont pas complètement conscients, puisqu'on joue avec leur inconscient. En fait, c'est toute leur capacité imaginaire. D'accord. Ok. Donc, je vais en profiter, parce que je sais que tu es hypnose en street hypnose, comme là. Oui, voilà. On fait et du close-up, on peut faire du spectacle. Tu es aussi, il me semble, thérapeute. Hein. Oui, personnellement, je fais de l'hypnose thérapeutique, donc c'est assez sympa. Moi, étant, par exemple, pourquoi je suis venu à l'hypnose, c'est parce que j'ai été fumeur pendant très longtemps, et quand je me suis vu avec cette capacité de pouvoir aider les gens à arrêter de fumer avec l'hypnose, j'ai fait mes bancos, c'est ça que je veux faire. D'accord. Et donc, on aide les gens, par exemple, les thérapeutes, on aide les gens. Alors, je dirais que la première des demandes, c'est le tabac. D'accord. Après, ce serait le poids, le stress, la confiance en soi. Et il ne faut pas oublier les allergies, parce que là, voilà, le printemps, il arrive et on va avoir une petite demande sur les allergies. Hein. Tout à fait. Il y a tout un tas de choses, les petits traumas, il y a plein de choses. J'ai même vu tout à l'heure, enfin pas tout à l'heure, mais lundi, il y a une petite expérience qui a été faite avec une demoiselle qui est à côté de moi. Sur le chocolat. Voilà, Jessica. Et elle disait qu'elle avait des problèmes, qu'elle était fortement amoureuse du chocolat. Donc tu lui as dit, on va faire un petit truc vite fait. Des petits trucs de grignotage. Bon, voilà, le grignotage. Ça a duré quoi, les 10 secondes. Voilà, elle n'est pas rentrée vraiment en état d'hypnose, On n'a pas fait une séance, on a juste fait. Voilà, une approche. Et je sais qu'après, moi, pendant ce temps-là, j'ai été au stand de nougat de Montélimar, qui est un petit peu derrière. Voilà, oui. J'étais eu chercher un nougat, enfin un morceau de nougat au chocolat. Et effectivement, quand elle l'a mis en bouche, ça avait du mal à passer. Bon, il n'y a pas eu un travail en profondeur. Non. Mais voilà. Elle se rend compte qu'elle était capable d'avoir les deux facettes. Voilà, tout à fait. C'était accepter et continuer son addiction, ou alors se dire que tout compte fait, elle est capable elle-même de s'en défaire. Bien sûr. Donc, arriver à tout ça, j'en perds mon latin, moi. Avec vous, on va se pencher sur l'hypnose thérapeutique et dans quel cas peut-être utile, gestion de la douleur, le stress, les addictions, le sommeil, c'est ce qu'on a parlé un petit peu, mais est-ce qu'elle peut aller dans d'autres domaines psychologiques par rapport à... Je dirais que tout ce que le cerveau est capable de nous procurer comme bien-être, il est capable de nous procurer des petits désagréments. D'accord. Les addictions, par exemple. Les addictions, c'est nous, c'est notre cerveau, c'est notre décision. Et à chaque fois, on s'auto-alimente avec ce genre de problématiques. Tout ce que le cerveau il est capable de créer comme comportement, c'est soit un comportement qui nous est bénéfique, soit un comportement qui l'est moins. Et quand le comportement l'est moins, bah, l'hypnose, elle est là pour aider. D'accord. Ça peut être donc une aide très forte, tout à fait, oui. Comme on le disait, arrêter de fumer, tout ça, mais aussi sur le côté après une opération, après des douleurs. Oui, avant l'opération, la peur de l'opération, donc les opérations se passent mieux. Pendant l'opération, avec les analgésies, avec l'anesthésie. Après l'opération, pour que les gens n'hésitent plus à reprendre possession de leur corps. Il y a plein d'opérations où les gens, bah, ils savent qu'ils ont été opérés, je ne sais pas moi, de quelque chose, et bah, ils hésitent à se remettre en mouvement. D'accord. Donc, quand tu hésites à te remettre en mouvement, bah, tu t'ankyloses et puis bah, ça marche moins bien. D'accord. Bah, avec l'hypnose, en fait, tu reprends confiance, tu reprends possession de ton corps et puis bah, ça te permet de pouvoir aller plus loin, plus vite et plus facilement. D'accord. Dans quel cas, mais aussi, quelle est la population de patients potentiels ? Tout patient, je pense, toute personne qui est. Qui accepterait. De faire le pas, de venir, on en parlera un petit peu comme côté consultation. Alors, tout le monde est hypnotisable. Maintenant, quand on fait une séance d'hypnose, il faut que la personne comprenne ce qu'on lui dit. Donc d'accord. Si tu t'adresses à un bébé de 6 mois, bah, il ne comprend pas rien. Ça, je parlais le bébé. Si tu parles à un senior qui est sénile, il ne comprendra pas ça non plus. Si tu parles dans une langue et puis que la personne elle est native d'une autre langue, ça va être compliqué également. D'accord. Il faut que la personne comprenne. C'est une communication, c'est un échange. Enfin, côté communication. Il faut que la communication soit établie et puis il faut essentiellement que la personne soit volontaire. C'est-à-dire que si tu viens me voir pour un arrêt tabac, mais que c'est madame qui t'a envoyé, et que toi, t'as pas envie d'arrêter de fumer. Ça sert à rien. D'accord. Elle a pris rendez-vous à ta place et. Voilà. C'est comme quand tu vas prendre rendez-vous chez le médecin te fait une belle ordonnance, mais t'as pas envie de prendre ses médicaments. Ben, ça servait à rien d'aller le voir. Oui, bien sûr. Ben, si, à te soulager de quelques dizaines d'euros. Oui, enfin bon. Ça, on peut s'en passer, hein, surtout que ça devient cher, tout ça maintenant. Il faut pas la. Bon, c'est remboursable, mais jusqu'à quel point? Comment recommander un petit peu tous ces sujets ? Est-ce qu'on peut recommander l'hypnose pour n'importe quel sujet ? Alors moi, je dirais qu'il y a des gens qui se spécialisent parce qu'ils sont plus familiers avec certains sujets. Donc en fait, il faut juste appeler l'hypnotiseur ou l'hypnothérapeute. Après. C'est le ou là, hein, parce qu'il y a... Après, il y a des gens qui sont plus à l'aise avec un hypnothérapeute ou une hypnothérapeute. Voilà. Il y a des gens qui vont dire, bah, écoutez, moi, cette problématique-là, moi, je la gère pas trop parce que je suis pas à l'aise avec. Il y a des gens qui vont dire, bah, moi, j'ai jamais fait, donc je veux pas m'en occuper. Faut pas hésiter à appeler la personne et puis dire, bah, voilà ma problématique, est-ce que vous faites ? D'accord. Parce que... Moi, je sais que j'en ai parlé avec des personnes autour de moi, masculines et féminines, et j'ai posé la question, et on me disait, oui, effectivement, une femme qui me disait notamment, ah ouais, mais moi, tu comprends, allez voir, c'est comme un gynécologue, elle dit, jamais je pourrai aller voir un gynécologue, il faut que j'aille voir une gynécologue. Bah, par exemple, après, c'est juste un choix de la personne. Et c'est pareil, après, pour se juger, c'est juste un choix. Ouais, mais ça, c'est de faire le cap de passer et d'aller se faire. Alors, vous appelez ça des clients, des patients. Alors, ce sont des clients. Des clients. Ouais, ce sont pas des. Enfin, toi, t'es pas. Voilà, ce sont pas des reconnu. Clients. Ce sont des clients parce que le mot patient est réservé au monde médical. D'accord. Ouais. Comme vous, c'est pas du tout médical. C'est un. Voilà. C'est un accompagnement. C'est un accompagnement. Donc, vos clients, votre clientèle. Elle ira plus facilement d'un homme à un homme pour non, pas obligatoirement. En fait, il ne faut vraiment pas se poser ce genre de questions. C'est rien qu'avec le contact, le premier contact que tu as avec la personne. Oui, bien sûr. Ça peut être un contact visuel, ça peut être un contact auditif par le téléphone. Je n'explique pas les yeux qu'il a, il est en train de m'endormir. Là. C'est juste le contact, le premier contact que tu as. Il y a des personnes avec qui ça va matcher et des personnes avec qui... Ça va grincer. Bien sûr. Ouais, bah les personnes médecin, avec qui ça grince, voilà, c'est pas la peine d'aller plus loin. Ça passe ou ça passe pas. Hein. Alors, pour aider nos auditeurs à visualiser un petit peu, à quoi ressemble une séance typique d'hypnothérapie ? Alors, une séance d'hypnothérapie, en général, ce qu'on commence par faire, c'est d'aller chercher la problématique. Une personne vient pour me dire, bah, j'ai des problèmes de, je sais pas moi, on va dire, la gestion du sommeil. Ouais, ok, j'ai du mal à m'endormir, je me réveille tout le temps, gna gna gna. Et ben en fait, on va discuter pendant un petit moment pour essayer de voir quelle est réellement sa problématique avec le sommeil. D'accord. Une fois qu'on a identifié quelle est sa problématique avec le sommeil, on va doucement bifurquer vers le monde de l'hypnose et puis lui faire prendre conscience que quand on met ses problèmes de côté, quand on arrive à se mettre dans les bonnes conditions pour pouvoir accepter le sommeil, ben le sommeil va venir. Et en fait, sur chaque séance, on va comment dire, faire une détermination d'objectifs. C'est ça ce qu'on appelle, c'est rechercher l'objectif à atteindre. Et puis après, bah, par le biais de l'hypnose, eh bien, on va obtenir cet objectif. Et le but, c'est que cet objectif, une fois qu'il était atteint, en fait, il y a un cheminement mental qui s'est créé. Et ce cheminement mental, en fait, la personne va pouvoir le créer et le suivre de plus en plus souvent. Donc, en fait, on a changé d'habitude. Et une fois qu'on a changé d'habitude, eh bien, la personne, elle choisit l'habitude qu'elle souhaite. Et en général, d'accord, ouais, je comprends bien. Bah, tu sais pas, je les avais annoncés tout à l'heure, les Pink Capotel, c'est un petit groupe. Alors, j'aime bien quand j'ai des invités comme ça, ils me proposent leur musique et moi, je leur propose de faire découvrir aussi des petits jeunes, enfin, des petits jeunes ou des petits vieux, pas de l'EHPAD, mais des gens qui sont artistes dans la région centre. Et là, je vais donc te faire découvrir un groupe que j'affectionne particulièrement parce qu'ils sont un petit peu déjantés, mais déjantés dans le bon sens. Moi, j'aime et bien. Ils nous hypnotisent, mais sur scène, en fait, je vais te présenter un petit groupe qui s'appelle La Tournée du Baron. Et ça va être La Tournée du Baron, tout simplement, un dimanche matin. OK. J'aime voir mes voisins debout sur mon balcon, j'observe ce qu'ils font. En face dans la coloc, ça ressemble à Verdun. Tous les trois comme des lames qui ne comprennent plus rien. Et il y a une heure, votre est sur le canapé, méditant sur le bonheur, ils ne sont pas prêts de bouger. Une haleine sans scandie, une vidange d'estomac. À la main. J'aime voir de mon balcon, non, pas passer les cons. Et le dimanche matin, j'aime voir mes voisins debout sur mon balcon, j'observe ce qu'ils font. Mon voisin de palier, celui qui gueule quand je chante, se pose devant sa télé, ses émissions bandantes. Avec sa chronambour, assis devant téléfoot, il vit comme un sourd quand son équipe déroute. Sa femme va se lasser d'hier et son mari en femme lui redemande la bière. Oh, le dimanche matin, mon café à la main, j'aime voir de mon balcon là on va passer les cons. Et le dimanche matin, j'aime voir mes voisins debout sur mon balcon, j'observe ce qu'ils font. Qui sortent leurs petits chiens avant de partir prier, bien sûr, le 31. Voir vers la cathédrale, un petit peu après l'autre. Écouter des morales et être bon apôtre. Ils sortent fermant les yeux pour pas voir la misère d'un homme si bon, qui se nourrit pas de prière. Oh, le dimanche matin, mon café à la main. J'aime voir de mon balcon, on va passer les cons. Et le dimanche matin, j'aime voir mes voisins. Debout sur mon balcon, j'observe ce qu'ils font. Ça m'amuse un moment de voir ces tranches de vie. Mais bon, rapidement, une petite voix me dit: mais qu'est-ce que tu fais dehors avec ce temps? Reviens vite te coucher sous la couette, je t'attends. Sans vraiment hésiter, je retourne au lit pour vraiment profiter sans penser à lundi. Oh, le dimanche matin, à la main. J'aime voir de mon balcon, non, pas passer les cons. Et le dimanche matin, j'aime voir mes voisins debout sur mon balcon, j'observe ce qu'ils font. Et ben voilà, un dimanche matin, mais ils sont en avance, les garçons, ils sont déjà en week-end ou quoi? Nous, on est quoi? On est jeudi aujourd'hui, c'est Didier Enco. Oui. Et on est en direct avec Annabella qui me fait gentiment la technique parce que, voilà, notre table est un petit peu plus haut que moi, le temps que je me lève et tout ça, j'ai pas encore attrapé tout à fait le coup, voilà, c'est une petite formation de longueur. Et on a nos deux secrétaires qui sont en train de travailler sur ma droite. Et je retrouve donc Laurent d'Hypnosis. Vous êtes basé où? Alors, on n'a pas de base. C'est assez bizarre hein, de se oui, dire, bah, oui, mais vous êtes où? Ben, on est partout, en fait. Partout et nulle part. Voilà, et là, aujourd'hui, vous êtes à la foire. Aujourd'hui, on est à la foire. Au stand D26 d'Arc-en-Ciel, voilà. En direct. C'est ça. Donc, en fait, on est un petit peu partout, sur Orléans, dans les rues. On est dans les organisations privées. Tu vois, la dernière fois, on a fait un petit truc dans un restaurant. Ah ouais, j'ai vu ça sur les réseaux. Vous étiez là lundi, vous revenez quand? S'il y a des personnes qui veulent vous rencontrer mais qui ne peuvent pas venir aujourd'hui? Eh ben demain. Demain? Demain. Ah, allez, demain, on est là. Et puis, tiens, samedi, on est là aussi. Ouais, ah ben alors là, on va vraiment être au top, là. On va pouvoir... Alors, si vous avez, bien évidemment, des questions ou autres... Ben, venez les rencontrer au stand D26, Foire Expo, juste à côté de l'entrée de la visite du Portugal. Et là, je suis en train de voir, tu as deux collègues qui sont en session. Oui, est-ce que oui, tu oui. peux nous l'expliquer un petit peu de, eh ben là, tu en peux fait, aller les voir. Hein. Allez, je vais aller les voir, voilà. Je vais faire mon... Voilà. Voilà, ben, tu peux parler maintenant. Hein. Voilà, voilà. Alors là, ils sont en direct sur Radio Arc-en-Ciel. Et puis ben, là, en fait, il y a Fabrice qui est en train de faire des tests de réceptivité. Alors, il y a des gens qui sont là en train de se demander s'ils sont réceptifs. Et là, ils vont bientôt avoir la réponse. Voilà. D'un côté, ça, c'est du live. Hein. C'est du pas live. Prévu, hein. C'est du live. C'est du live. Alors, d'un côté, on met quelque chose de lourd dans une main. Et de l'autre côté, on met quelque chose de très léger. Et le but, c'est de faire ressentir la lourdeur d'une main et la légèreté de l'autre. Et c'est assez intéressant de voir qu'il y a des gens qui sont déjà très réceptifs. Ouais. Et ce qui est assez drôle, c'est de voir qu'une fois que le test est fini, ils sont un petit peu ébahis parce que ça a fonctionné. Et puis, ils se disent, mince, qu'est-ce qui se passe? Je ne croyais pas que j'y étais. Voilà. Alors, je vais essayer en même temps. Vous savez, on fait tout ici. Hein. Alors, vous entendez bien sûr les bruits de la foire par les micros parce que là, on est en live. Hein, donc, on capte bien sûr tout ce qui se passe au niveau de la foire et on écoute les gens aussi. Puis, alors, ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a des gens, ils commencent déjà à rire, déjà en position. Voilà, tu peux revenir à côté de moi, Laurent. Voilà, c'était pour expliquer. Oui, parce qu'il y a du monde qui passe et j'ai eu l'impression que voilà, ça passe aussi, dans les micros. Ouais, mais voilà, bon, ça fait partie de la foire aussi. Hein, c'est le direct. Hein. Donc, on va revenir un petit peu à nos moutons ou du moins à notre hypnose. Dans un cabinet, c'est un cabinet qu'on appelle. C'est un. Oui. Dans pour un le cabinet, thérapeutique, oui, c'est voilà. Un cabinet. Oui. Comment assure-t-on la sécurité des patients face à des stimuli sonores, par exemple? Utilisez-vous la musique? Alors, on peut utiliser la musique, on peut utiliser le son. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que on a cinq sens. On a le visuel. D'accord. On a l'auditif. Et dans cet auditif, bien souvent, une musique, tu vois, dès que tu... Quand tu entends une musique qui te plaît pas, ça te... Oui, puis on change de chaîne, j'allais dire, on change de radio. Mais quand nous, il n'y a que musique, de la bonne musique, donc c'est pas la peine. Quand tu mets une musique qui te plaît, ça te donne la pêche, ça te donne la banane, t'es content. Bon, tu vois que l'auditif, ça a un impact psychologique. D'accord. Donc, on peut l'utiliser. Par exemple, moi, tu vois, quand je traite... quand je traite, j'ai pas le droit de dire traiter. Mais quand j'accompagne les acouphènes, par exemple, eh bien, dans mon histoire, je mets quelques sons. Par exemple, des bruits d'oiseaux, des bruits blancs qui vont noyer cet acouphène, tu vois. D'accord. Donc, tu vois, j'utilise un peu le son, mais en général, la voix suffit. D'accord. Ouais, je vois qu'alors là, avec tes collègues, tu as Fabrice. Hein, Fabrice, et tu as Michel. Donc, qu'est-ce qu'ils Michel sont qui a retrouvé aussi Alain. Voilà, oui, son client de l'autre jour, ils sont à côté, ils sont en train de regarder. Voilà, et puis là, ils sont en train d'avoir bientôt les doigts qui vont se coller. Ouais, bien sûr, voilà, c'est un autre test qu'ils ont fait, donc apparemment, tout le monde les... Je vais essayer de passer en même temps, parce que je vais essayer d'avoir tes collègues aussi au micro, puis je vais te laisser aussi exercer, parce que je te regarde un petit peu de loin. Laurent, en tous les cas, je suis content de ton passage ici. Écoute, moi, ça me fait super plaisir de venir voir Arc-en-Ciel, et puis toi, ton émission. T'es notre rayon de soleil, en fait. Hein. T'es notre septième, huitième couleur, on va dire. La huitième merveille du monde, non. Ah non, c'est la radio, je crois, la huitième merveille. il y a du monde. voilà. Ben, moi, je vais demander si tu peux essayer de. Oui, ben, je vais donner le micro à Michel s'il est. Michel, s'il est disponible. Non, il est là. Il a. Ben, écoute, Michel, tu vois, faut pas le lâcher parce que tu le lâches. Ben, écoute, reste avec nous, c'est pas rare. Reste avec nous. On va. Alors. Comment tu fais au niveau de la sécurité? Je lui ai proposé le micro, il a dit non, je préfère rester avec les jeunes filles. Bah, chacun ses choix. Hein. Il préfère les filles que l'animateur. Bah, ça se comprend un petit peu. C'est hein. Vrai. Bah, écoute, tu vas rester condamné à la pastille alors. Hein. C'est ouais, la prise de la pastille. Là. Donc, il est. Quelle heure il est là? Il est 15h. Il est moins le quart. 2. De 3 heures. Ah oui, c'est bien ce qu'il me semblait. Mais j'ai pas les yeux sur le chrono. Voilà, donc. Comment dirais-je? Là, on parlait de la sécurité, on parlait de la musique. Est-ce qu'il n'y a pas des réticences? Par exemple, une personne qui aurait eu des antécédents de noyade, par exemple, je prends ça, ça passe par la tête, et puis tu lui passes de la musique avec de l'eau, par exemple, c'est de la musique. Ah ben, c'est sûr qu'il faut être prudent sur ce genre de choses. Voilà, donc il faut peut-être questionner un petit peu avant, il faut connaître. Oui, ben, en général, les gens, quand ils viennent en cabinet, ils nous exposent un petit peu leurs craintes, leurs angoisses, leurs problématiques. Bien sûr. Donc, obligatoirement, si c'est une problématique avec de l'eau, ben, on va. Voilà, ce que tu lui passes une musique. Les précautions. Voilà. Mais en général, en cabinet, on n'utilise pas beaucoup la musique. Hein. D'accord. Sauf si c'est une demande particulière, mais sinon, on demande vraiment à la personne de se focaliser, de se mettre dans sa bulle, dans sa problématique, pour qu'on puisse travailler avec. D'accord. Et là, ça me vient aussi comme ça, de but en blanc, quand vous faites des séances comme ça, en street, pas dans une salle, hein. Là, je parle vraiment dans la rue. Oui. Vous n'êtes pas perturbé par les bruits extérieurs De la même façon qu'on pourrait être perturbé, imagine, tu prends un bouquin. Ouais. Tu t'assieds, sur les quais de Loire, tu prends un bouquin et puis tu lis. Eh ben, tu peux être perturbé de la même façon. Alors, si une mobilette qui passe, voilà, tout à fait. Est-ce qu'elle va passer, ça va te gêner, ça va t'empêcher de lire? Ou est-ce que tu vas continuer à pouvoir lire? Ben, des fois oui, des fois non. Voilà, tout à fait. Ça dépend de notre capacité à pouvoir se concentrer sur ce qu'on fait, sur ce qu'on vit. Voilà, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, des protocoles pour éviter des musiques qui peuvent être négatives. Moi, je me souviens, une fois, on avait fait un petit truc caritatif à Chevilly, et il y avait une jeune fille que j'avais endormie, et il y avait une fanfare qui était là à moins de 10 mètres. Oui. Je n'entendais même pas ma voix, à moi. D'accord. Elle n'a même pas entendu la fanfare. Ah ouais, exceptionnel. À la fin, je lui ai demandé, la fanfare, les jeunes, pas trop gêné. La jeunesse, venez me voir là. Ah, bah tiens, les testeurs d'hypnotise. Là, tu vas prendre le micro pendant 2 minutes, tu vas te présenter, tu vas dire ton prénom, puisque j'ai vu. Alors, bah vas-y, présente-toi. Bonjour, je m'appelle Lilio. D'accord. Voilà. Tu étais à la foire, tu peux lui passer le casque, comme ça, il va mieux s'entendre un petit peu aussi. Voilà. Tu restes. C'est bon. Merci Alain pour mes oreilles. Donc tu as fait un petit peu de test là. Qu'est-ce que tu en as ressenti? Qu'est-ce que tu... C'était très sympa. Après, moi j'étais un petit peu réceptif, mais mes amis non. Après, je pense que c'est vraiment. Il nous a dit que ça dépendait. Par exemple, dans 30 minutes, elle pouvait être réceptive. D'accord, ça dépend du moment. Voilà, ça dépendait si vous aviez quelque chose à faire là ou pas. Si vous étiez pressé ou pas. Ouais, voilà. Mais voilà, après, on a pris le temps et c'était très très gentil à lui. Voilà. Et la foire, ça va? Tu en es content? Tu vas visiter? Tu es portugais? Ouais, on a tout vu. Franchement, très très sympa. Et puis en plus, c'est agréable parce que là, il y avait pas grand monde. Donc. Ouais, on peut voir facilement. C'est vrai qu'il y a pas grand monde sur la foire. C'est un petit peu tristounette, on va dire. C'est ça. Mais justement, on peut découvrir plus d'endroits. On peut discuter plus avec des gens. Et voilà. Et voilà. Eh ben, écoute, je vais en profiter. Je vais demander à Laurent qui passe le micro. On va faire un changement d'opérateur. Je te remercie pour l'interview. Puis, est-ce que tu connaissais, la radio 96.2, Arc-en-Ciel? Ah, si, j'ai déjà écouté, je crois. Voilà. Ben, il faut m'écouter le jeudi après-midi. Tu verras, entre autres. Okay. D'ailleurs, tu seras sur le podcast. Et à partir de demain, attends, je vais trouver ça. À partir de demain, si tu scannes ceci, tu auras le podcast. Voilà, tu auras le podcast sur ma page. Voilà. Eh bien, on va changer donc d'opérateur. On va redonner. Écoute, Fabrice, je te passe le flambeau. Ok, bah merci. Voilà, bah merci Fabrice. Je t'en prie, assieds-toi en face. Donc on a. Bonjour à tous. Hein. Je me présente, je suis Fabrice, hypnothérapeute dans mon deuxième métier, on D'accord. va dire. Et puis on en parlait justement. Du groupe Hypnotise, et on est là sur la foire d'Orléans, on va dire, avec Radio Arc-en-Ciel. On est invité par eux, et puis on est là pour faire découvrir l'hypnose, D'accord. Voilà, l'hypnose ludique. Simplement, l'hypnose de spectacle pour les gens qui comprennent pas. Voilà, un petit peu comme Mesmer, quoi, comme on voit à la télé. Bon, on se réfère à lui parce que bon, il est quand même une affiche dans le milieu, très connu, et voilà, mondialement, je crois. On essaye de le limiter au mieux. Voilà. D'accord. Là, je vois que ça discute encore au niveau des jeunes avec tes collègues. Voilà, je viens de faire les tests pour voir s'ils sont réceptifs. Sur les quatre, il y en avait deux qui sont pratiquement réceptifs à 100%. Et puis bon, ils voulaient arrêter là. Ouais, ils font du test. Ils essayent un petit peu toutes les chaussures avant de prendre la bonne. Voilà, ils se font plaisir. Parle plus près du micro, parce que là, tu t'envoies un petit peu. Alors, je vais essayer de reprendre le cours de mes questions, parce que bon, je vous cache pas que c'est un petit peu préparé au niveau des questions. Il faut garder un petit peu le fil. Une séance d'hypnothérapie, c'est entre un thérapeute et un patient. Dans un lieu clos. Oui, je reviens vers toi, c'est pas un patient, c'est un client. Voilà, c'est ce que je t'ai tendu un petit peu pour voir si tu allais répondre. C'est ce qu'il m'a dit tout à l'heure. On n'est pas médecin, c'est pour voir si vous avez la même façon de parler. Et voilà, exactement la même chose. Voilà. Tu sais, des fois, les journalistes, les animateurs, ils sont un petit peu taquins. Hein, ils aiment bien. Voilà. Tout à fait. Avec tout ce qu'on entend sur les drogues du violeur, style GHB, GBL. Est-ce que c'est sécurisant pour une personne de consulter en cabinet clos? Parce que ça, j'ai eu plusieurs fois la question. Alors, je vais dans des questions. C'est vrai que des fois, on va dire, c'est un peu compliqué. Est-ce qu'il y a des gens, bon, ils sont réticents? Ils ont un peu peur, hein. Ils se posent des questions, ils se disent je connais pas la personne, comment ça va se passer. Alors c'est vrai que bon, après il y a le bouche à oreille, il y a des gens qui viennent nous voir, ils nous connaissent déjà, ils disent tu peux y aller en toute confiance, il y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'il y a des gens que je reçois des fois dans mon cabinet, que c'est la première fois, et des fois ils sont un petit peu réticents. Alors je leur explique, je les mets à l'aise, et le fait de les mettre à l'aise c'est ce qui permet, on va dire, d'ouvrir les portes. Voilà, on ouvre les portes et à partir de là, la personne se sent tellement bien, tellement à l'aise qu'elle se laisse aller et puis la séance se déroule correctement. D'accord, c'est dommage qu'on n'ait pas l'image, la visio, parce que on a Alain, l'animateur principal de la foire, qui s'est assis à notre stand, qui a été donc un client à Michel sur une vidéo qui tourne, et il est venu voir le plus jeune qui est à côté, qui n'a pas mis de pull aujourd'hui. Et je vais en profiter, si tu peux lui passer le casque, 30 secondes, oui, le casque et le micro, qu'il puisse entendre un petit peu mes questions, parce que là, on travaille au casque et au micro. Alors, le micro, il connaît, il sait faire. Bien, bonjour, ça va bien, Alain? Donc, je vous présente Alain. J'entends pas beaucoup, là. Alors, on va essayer de lui monter un petit peu le son au niveau du volume. Ouais, je suis un petit peu... sur l'HP. Bon. C'est mieux, là. Voilà, c'est mieux. Et donc, donc Alain, c'est le présentateur, l'animateur de la foire. Il est assis au stand de Radio Arc-en-Ciel. Il vient nous voir de temps en temps. Je voulais simplement, tu sais que bon, la vidéo, elle tourne un petit peu. Et il paraît qu'il y a plus de 2000 vues. 2500 vues, là, pour l'instant. C'est bien, hein. 2500 vues avec le stand, avec toi, avec, c'est parfait pour tout le monde, mais en même temps, pour les gens, pour qu'ils puissent voir. Je voulais simplement t'avoir 2-3 minutes. Pour repasser après le micro à notre invité Fabrice, te demander comment ça s'est passé. Est-ce que tu connaissais avant? Donne-nous tes impressions en fait. Je connaissais pas avant, mais écoute, ça s'est bien passé. Hein, il faut être cool, détendu, voilà. Puis se laisser aller. Et puis il m'avait dit que il me ferait faire des choses, il me ferait pas faire le chien. Il y en a qui profitent qu'on soit sous hypnose pour nous faire faire n'importe quoi. Là c'est pas le cas. Oui, si tu veux pas le faire, tu le feras pas. Mais non, c'était bien, hein, voilà. Tu as quand même une image ici, tu es l'animateur principal. Ah oui, voilà. Non mais c'était bien, et surtout le pull avec la demoiselle, à chaque fois que je voyais le pull et la demoiselle, je rigolais, quoi, voilà. Et toi, Jess, qu'est-ce que tu en as pensé un petit peu de cette histoire de... Alors toi, c'est toi qui as goûté le chocolat. Oui, alors le chocolat, sur le moment, juste après, j'ai goûté du chocolat, ça m'a chatouillé la mâchoire. Donc moi ce que je dis, c'est qu'il faut tout le monde essayer. Voilà. Alors je sais que tout le monde n'est pas réceptif. Il y a quoi, 20-25% des gens de la population qui est réceptif à l'instant T. Mais tout le monde est réceptif, plus ou moins rapide. Il y a des personnes qu'il faudra travailler un peu plus long pour pouvoir les emmener plus facilement. Puis d'autres, c'est dans les 30 secondes, 15 secondes, ils peuvent partir très rapidement. Voilà. Voilà. Donc, essayez hein, l'hypnose et puis voilà. Il y a toutes les vertus de l'hypnose. Voilà. Et puis on va continuer. Voilà. Sur les niveaux de réceptivité, c'est tous les gens y sont. Voilà. Comme j'ai expliqué, hein, c'est plus ou moins rapide. C'est pour ça que on fait des tests en moyenne. On fait 2-3 tests pour voir si les gens sont réceptifs à l'instant T pour pouvoir continuer puis leur faire découvrir un petit peu qu'est-ce que l'hypnose ludique et puis qu'ils vivent des sensations qui on pourrait dire des fois inimaginaire, c'est marcher sur la lune, aller nager là, avoir des ailes et puis s'envoler, faire le tour d'Orléans sur un tapis volant. Toutes ces choses imaginaires, voilà, on les crée, voilà, tout à fait. Et ouais, ça sera sur un tapis volant, voilà. Exactement la même chose, voilà. Ah bah de rien. Hein. Puis venez à la foire, hein, dites aux gens de venir à la foire. Hein. C'est jusqu'à dimanche, hein, après c'est fini. Hein. Hein, donc après une petite balade en famille, jeudi il y a encore un petit peu le temps, mais venez le voir parce que bon les commerçants sont extraordinaires, ils sont super sympas, tout est bon et voilà, il y a de tout. Donc on en discutera tout à l'heure parce qu'on va aller faire de la voltige. Voilà, on vous passe très fort dans les ouais, ça résonne. Voilà, une séance d'hypnothérapie, c'est entre autres un thérapeute et un patient dans un lieu clos. Un client. Voilà. En hypnose de rue, il y a des témoins, là on l'a bien vu. Hein. Peut-on mettre en opposition d'un point de vue sécuritaire ces deux pratiques? Quand on connaît donc le côté thérapie, quand on connaît certains scandales comme celui de Gérard, quelque chose, je ne sais plus son nom. Oui, c'est vrai que. Il y a eu beaucoup de... Puis il y en aura tout le temps, hein, des gens qui sont pas corrects, on va dire, hein, qui font à leur insu, qui vont faire des choses sur des gens. Leur plein gré, totalement. Hein. Surtout, je dirais, c'est pas un lavage de cerveau, mais pratiquement, c'est des gens qui sont, je dirais, qui devraient même pas exercer. D'accord. En parlant poliment, c'est, on va dire, c'est quelque chose qui est tellement bien, en plus, comme je dis à mes clients, quand on a fini la séance, je dis, vous voyez, si c'est sur une phobie, généralement... Non, ouais. Sur une séance d'une heure et demie, une phobie, ça a disparu. Et je leur dis, vous voyez, c'est tellement facile de le faire et puis c'est tellement magique. C'est ce que je dis aux gens, je dis, c'est magique l'hypnose, qu'on arrive à faire, à débloquer des choses qu'on s'est créées simplement dans la partie de l'inconscient. Et là, ça se le fait tout seul. Voilà. Écoute, on va continuer parce qu'on a encore quand même pas mal de questions, mais je vais juste passer une petite escale musicale. Tout à fait, aussi. Oui. Hein. Voilà, donc j'ai la technicienne. Annabella, ça se passe bien pour toi? Oui, parfait. Eh bien, c'est parfait, voilà. C'est parfait. Heureusement qu'elle est là, hein, parce que tout seul à jongler, c'est pas toujours évident. Salut Loga et Lonana, sommes Lana et sur Everest Radio. Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer un nouveau morceau de soprano. Ça s'appelle Un Fait. J'espère que ça va chauffer pour tout le monde. Alors, tout le temps. Je suis en feu. Comme Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Je suis en feu. Ce soir, tu me souris, même Monica Bellucci. Je suis en feu. J'ai sorti le gros gamin, ce soir, je suis prince de la ville. Je suis en feu. J'ai mis mes plus beaux tissus, appelle les paparazzi. Je suis en feu. Ce soir, je suis intouchable, je danse comme Omar Sy. Je suis en feu. Le sol salue, même Michael Jackson me dit merci. Je suis en feu. Le DJ me fait une passe et boum dans la nuit. Je suis en feu. Sors de la piste de vie, le grand écart de Vanda. Je suis en feu. Je sens que je vais briller. Ce soir, je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer. Regardez. Algérie en Coupe du Monde au Brésil. Je suis en feu. Ce soir je suis un warrior, appelle-moi Stephen Curry. Je suis en feu. Je sors de 2 heures de sport, amène-moi des tirineurs. Je suis en feu. Comme ce grand blondiné énervé contre Freezer. Je suis en feu. Je sors de 2 jours pas, mais je repars avec les trophées. Je suis en feu. Tu m'appelais Kiriko, ce soir je suis John Covey. Je suis en feu. Comme la sœur de Beyoncé dans la danse avec Jay-Z. Je suis en feu. Comme les 3 petits à 6 heures du mat sur mon lit. Je suis en feu. Je sens que je vais briller. Ce soir je marche sur l'eau, j'ai l'impression de plaire. soir je suis en feu, je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu, je suis en feu. Eh bien, on est revenu donc sur la Foire Expo après ce petit voyage avec notre ami Soprano qui était dans son titre, hein, en feu. Voilà, j'en perds une fois de plus mon latin parce qu'ils sont en train de faire quelques séances et c'est assez marrant à voir. Donc Fabrice, tu as repris le flambeau. Tout à fait. Justement, on en parle. Alors toi, tu es en tout terrain en fait. Oui, aujourd'hui aujourd'hui on fait du street, on va dire, on fait découvrir un petit peu l'hypnose ludique aujourd'hui, ouais. Pour les gens qui sont là à la foire là, on leur fait découvrir parce qu'il y a beaucoup de personnes, bon, soit ils ont vu à la télé, puis du direct, certains ont été voir des spectacles et sinon il y a beaucoup de personnes qui connaissent pas, ils viennent nous voir et puis à partir de là on leur fait découvrir. D'accord. Et puis ils sont un petit peu stupéfaits, on va dire, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'y attendent pas du tout. Se dire je suis réceptif, et puis on l'a emmené dans un pseudo-sommeil, on va dire, hein, et puis ils ont découvert plein de choses, des choses agréables, et puis pour eux c'est une découverte. Et on les invite à venir nous rejoindre là sur le stand de Radio Arc-en-Ciel pour pouvoir venir tester, parce qu'on est là avec des amis, avec Lolo et puis Michel. D'accord. Aujourd'hui, on est là et ouais. Et ben on attend que tous les gens qui veulent venir essayer, on les attend. Sur le côté de la place publique, donc ça pose aucun problème. Moi, j'ai pu le voir là. Ça va pas vous... Non, ça nous gêne pas du tout au niveau nous. Après, ça peut gêner certains clients, on pourrait dire, parce que c'est le fait que il y a du monde qui regarde, et des fois les gens ils se sentent pas à l'aise d'avoir le regard des autres. Alors ils ont du mal à faire ce lâcher prise, comme on l'appelle dans notre jargon, c'est faire un lâcher prise, se laisser aller pour pouvoir partir plus facilement en état d'hypnose. Et il y a simplement le regard des autres, ou des fois le bruit. Mais pour nous, personnellement, le bruit nous gêne pas non plus, parce qu'on emmène en même temps ce bruit, on l'emmène, qui accompagne la personne, on lui fait rentrer ce bruit à l'intérieur d'elle pour pouvoir l'accompagner et pour pas que ça la gêne. Ouais, c'est ce que nous racontait tout à l'heure Laurent. Il a fait ça devant un pôle de batterie, enfin une batucada ou je ne sais plus trop. Et en fait, la personne, la patiente. Non, la cliente, elle était tellement réceptive qu'elle n'entendait pas du tout la batucada. Non, au contraire, même ça va l'accompagner. D'accord. On va l'accompagner. Comme nous accompagne une musique quand on s'endort, en écoutant. Et, tout à fait, une musique douce, quelque chose qui est agréable, qui nous emmène dans une détente. Et là, que ça soit des bruits forts ou pas forts, on va l'aider à l'accompagner pour que ça la gêne pas du tout pour rentrer dans cet état d'hypnose. Voilà. D'accord, j'ai encore beaucoup de questions. Puis après, on partira sur un autre système qui est carrément différent. J'irai faire un tour dans un stand de fabrication de boissons. Ils sont là et ils m'ont demandé quand est-ce qu'ils passaient. Donc on va faire durer un petit peu. De toute façon, j'ai encore un petit peu plus de deux heures d'émission. Donc ouais, ça va. On a de quoi faire. Ouais. Puisque Michel est là, si tu veux aussi... Tu veux prendre un petit peu de micro? Je vais rester avec deux ou trois questions donc avec Fabrice. Et puis après, je passerai le micro. Parce qu'après, il faut le casque et tout. Donc c'est de la technique, c'est du live. Et nous sommes toujours sur le D26, sur Radio Arc-en-Ciel, 96.2 Orléans. Présent avec toute une équipe. Les secrétaires sont à côté. Elles me servent le café et tout. C'est super sympa. Annabella, elle s'occupe de la technique. Non, pour l'instant ça va le faire, je vais pas lancer de musique tout de suite. Hein. Si, j'ai pris ton casque parce que le mien il est malheureusement HS. En service. Donc il faut que l'animateur il puisse travailler. Par contre, si tu veux voir à ce niveau-là, c'est peut-être le secrétaire, faut bien qu'elle travaille un petit peu. Mais effectivement, j'ai pris ton casque. Le regard qui tue là, attention. Hein. Attention, il faut que je puisse entendre mes bêtises aussi. Donc juste après la pause, on parlait un petit peu de différentes choses sur l'hypnose, bien évidemment. Michel nous a rejoint. Et comme je le disais, Foire Expo 2026, invité spécial le Portugal, et vous pouvez nous venir nous voir, visiter la Foire Expo et discuter avec Alain, notre présentateur, qui a été hypnotisé par Michel. Par Michel. Donc, et c'est vrai que son retour, voilà. J'ai discuté avec lui il y a quelques temps, là, quelques minutes, il est très content de, surtout qu'il a découvert, parce qu'il connaissait pas l'hypnose, et il a vu, comme il était bien réceptif, qu'il est parti, qu'il a vécu des choses super, Michel, il avait plusieurs casquettes, il est aussi magicien, hein, voilà, il fait de la magie, et je crois que tout à l'heure, il va me faire un petit tour de close-up, là, ou quelque chose comme ça, on va voir. Mais je crois que je vais peut-être, pas aujourd'hui, mais vendredi, je te ferai un petit truc, et tu m'en diras des nouvelles. Ouais, je suis un petit peu mentaliste, moi aussi. Et comme ça, à mes heures perdues, si j'y pense, je vous ferai peut-être même en direct. Bon, en direct, ça vous dira pas grand-chose, mais voilà. C'est vrai qu'il manque l'image, hein, simplement. Là, je peux pas tout faire en même temps, non. Mais je ferai l'image sûrement vendredi ou samedi. Voilà. Donc. Dans l'hypnose, tout simplement, il y a parfois de la peur ou de la méfiance dans le public. C'est ce que je voyais tout à l'heure avec une cliente. Il y avait une cliente, elle dit ouais, mais moi, voilà, j'ai un petit peu peur parce que j'ai peur qu'on prenne possession de mon âme. Voilà, mon tout corps. À fait. Donc, tout à fait. Pour toi, Fabrice, et Michel, comment rassurez-vous les patients? Déjà, le fait. Il n'a pas entendu cette fois-ci. Les patients, non, c'est les clients. Mais le fait de discuter avec eux, déjà, ça les rassure. On les rassure déjà physiquement. Et puis, le fait de les rassurer, déjà, ils relâchent un petit peu ce lâcher-prise qu'on peut dire, qu'on a l'habitude de dire dans notre jargon. Hein. Et ces personnes-là, après, ils se laissent aller. Mais il y a quand même un passage, le passage que la personne a peur. Souvent, ils nous disent, j'ai peur. Mais alors, je leur pose la question, mais peur de quoi? Mais ils savent pas nous répondre. C'est pas évident. Voilà. Mais je ne peux pas aller à l'encontre de vous-même. Je peux pas vous faire des choses que vous n'avez pas envie. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Laurent. On parlait quand vous êtes en réception de clients en séance, dans un cabinet, avec tout ce qu'on entend sur les drogues de tout ça. Ouais. On peut me glisser un verre, on peut me glisser une boisson et tout on peut abuser de moi et tout ça. Alors après, je pense que rien n'empêche, et ça je l'ai pas demandé à Laurent, je pense que rien n'empêche une personne, homme ou femme, qui a un petit peu des réticences à venir, mais qui aimerait bien, elle peut se faire accompagner dans le. Ah, tout à fait. Dans un tout cabinet. À fait. Moi, j'ai, des fois, j'ai des couples. Hein, dans mon cabinet, il y a de la place pour deux personnes, on va dire. Le mari, il est là, ou la femme, ou l'ami, il est là, il regarde. Je regarde souvent parce que des fois, quand je vais endormir, pseudo-dormir, c'est la personne, et des fois, c'est l'autre personne qui part aussi en même temps. Ah oui. Alors, j'ai un grand fauteuil, un fauteuil des oreilles de Mickey. C'est un fauteuil pour que la personne ne pas tomber. Alors que la personne qui l'accompagne, elle est dans un petit fauteuil simplement. Alors je fais attention que ça l'emmène pas, et je vois des fois la personne part. Hein. Alors je surveille en même temps pour pas que ça l'emmène en même temps. Il y a eu la phase de réceptivité. J'ai vu qu'après vous asseyez les personnes. Oui. Voilà. Ça dépend qu'est-ce qu'on va travailler derrière. Mais là, quand on fait simplement l'hypnose de rue, alors des fois c'est par terre, c'est assis, c'est debout. Ça dépend. Comment que ça va se présenter, on va dire. Bien, bien, bien, bien. Alors, moi, j'ai un truc qui me travaille quand même parce que j'en fais un petit peu sur moi. De l'auto-hypnose. Alors, ouais, je fais de la méditation aussi, mais je fais de l'auto-hypnose. Voilà. Oui. Enfin, j'essaye. Oui, en fin de compte, c'est l'auto-hypnose, c'est on parle à soi-même, à son inconscient. Alors, soit on va parler oralement. Ou soit on va parler au niveau de la tête simplement. C'est la tête, docteur. Se dire, alors souvent ça peut être le soir ou à un moment dans la journée, un moment où on se sent bien, on se dit tiens, je vais me poser dans un fauteuil, je vais me poser sur le canapé ou sur une chaise longue dehors, il y a personne, et je suis au calme. Ou alors j'ai besoin de 5 minutes simplement pour me requinquer, pour me retrouver, pour me ressourcer un petit peu. Et on ferme les yeux. Et puis on se dit, soit ouvertement, à voix haute, hein, je demande à mon inconscient de, pendant 5 minutes, de m'envoyer dans un endroit agréable. Et puis quand je vais revenir dans 5 minutes, simplement, je vais me retrouver en pleine forme. Mais pour ça, il faut le préparer quand même. Il faut, parce que on peut pas le faire comme ça du jour au lendemain. Non, ça s'apprend, on va dire. Ça s'apprend. Le fait de le répéter, même tous les soirs, c'est je suis allongé, je suis dans mon lit, et je me dis, je demande à mon inconscient de me faire passer une bonne nuit. et je ferme les yeux et je m'endors. Simplement, ça, ça suffit simplement. On l'inconscient. Passe une bonne nuit. Voilà. Donc, mesdames, messieurs, si vous voulez passer une bonne nuit, écoutez le conseil de Fabrice, hein, juste un petit peu avant de fermer vos petits yeux et puis de partir avec Morphée. Tout à fait. Dans ses bras d'ailleurs. Eh ben, vous dites voilà, je veux passer une bonne nuit. Voilà, c'est ce que je me dis moi-même. Hein, je ferme les yeux, je demande à mon inconscient de que je veux passer une très bonne nuit. Et puis, si j'ai des douleurs, bah, qu'il m'enlève ces douleurs, que demain matin, je me réveille en pleine forme. Ah ouais, ça va falloir, voilà. Je demande, parce que le matin, je vous explique pas les douleurs. Alors, le je suis passé voilà. L'âge, mais bon. Non, c'est vrai que, alors, il faut se, bah, faut le répéter. C'est comme tout. C'est un apprentissage, on pourrait dire. Puis le fait de le répéter tous les soirs, bah, arrive un moment, on va partir très rapidement dans un état de conscience, hein, qu'on appelle un modifié de conscience. Hein. Et puis on va passer cette nuit agréable. Et puis le lendemain, bah, 90%, il y a des choses qui ont fonctionné. Ok, bah ça c'est parfait. Alors. Voilà, parce que si on fait de l'auto-hypnose, on peut se dire, mais est-ce que je vais me réveiller? Parce que moi, j'ai vu Michel à l'œuvre quand il a travaillé Alain. Voilà, on a vu le travail, on a vu Alain Boum, la tête qui est partie, dodo, plus personne. Enfin, plus personne. On voyait quand même que il n'était pas parti. Consciemment, il y avait toujours. C'est un état de modifié de conscience. Voilà. En fait, à la suite de ça, à un moment donné, il dit bon, je vais reprendre. Et tu vas te réveiller. Tu vois. Et là, je claque des doigts et la personne. Alors on fait un petit décompte simplement, et puis on dit au compte de 5, de 5 à 0, et à 0, tu vas revenir ici et maintenant. D'accord. Alors, en pleine forme. Avec un bon retour, quelque chose d'agréable, parce que tu as vécu une petite partie de cette séance super sympa, où t'as fait des choses, on t'a enlevé ton prénom, on t'a enlevé des chiffres, où t'as fait un voyage extraordinaire. Non. Est-ce que dans l'hypnose de rue et en auto-hypnose, est-ce que je peux me faire de l'auto-hypnose dans la rue si j'ai un stress, si j'ai... Oui, tout à fait, on peut le faire sans être parti, on va dire, sans être parti dans l'hypnose. Dans l'hypnose totale. Dans ce pseudo-sommeil. Voilà. Simplement se dire à son inconscient, simplement dans sa tête, se dire, voilà, je vais traverser cette rue, là, je vais en avoir pour 5 minutes, et ben pendant 5 minutes, je veux que tu me détendes totalement pour que je puisse me sentir vraiment bien quand je vais arriver au bout de la rue, parce que je vais rencontrer quelqu'un, j'ai un rendez-vous, j'ai quelque chose d'important, et je suis stressé pour arriver au bout de la rue. Voilà, simplement comme ça. Et ça fait plaisir. Bah, toutes ces sensations qui sont tellement à portée de main, simplement, on peut les avoir facilement. D'accord. Ben là, on va vous préparer un petit morceau, une petite escale musicale, et puis on va changer en même temps de micro. On va passer le micro, Michel. À Michel, voilà, je me perds un petit peu dans les prénoms. Et puis, ben là, on va vous passer un petit morceau de Eurythmics. Ben, je pense que la technique, c'est parti. Et ben, you Bien, on a repris voilà avec deux musiques qui se sont mis en route. Voilà, c'est parfait. C'est quoi? Bah c'est les joies du direct. On fait un petit peu tout en même temps. Et j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Donc c'est Michel qui nous a rejoint. Enchanté. Michel, voilà. Alors toi, tu n'es pas tu n'es pas thérapeute. Non. Voilà, tu es juste hypnose de rue et animateur de temps en temps à Radio Arc-en-Ciel. Là, aujourd'hui, exceptionnellement, sur la foire exposition, tu es venu nous parler un petit peu de ton... Oui, tout à fait. Moi, j'aime bien m'amuser, donc j'aime bien faire de l'hypnose ludique, c'est-à-dire faire rire les gens, faire découvrir déjà l'hypnose et puis leur montrer ce qu'on peut faire avec cet outil qui est quand même formidable. Donc en plus de ça, j'ai une autre passion qui est la magie. Donc voilà, je me suis pas mis thérapeute, je laisse ça plutôt professionnel. Et puis c'est un autre domaine quand même, parce que la thérapie, ça se fait pas comme ça. Il y a une formation quand même. Donc effectivement, il y a une formation spéciale. Autant l'hypnose ludique, on peut apprendre ça en 3-4 jours, ou comme on le fait au club, et tout le monde le peut faire. Tandis que l'hypnose thérapeutique, il faut quand même une petite année, puis avoir peut-être quelques connaissances dans le domaine médical. Et oui, connaître certaines choses. Voilà, avec beaucoup d'écoute et comprendre le mal, les mots des personnes. Il y a une question qui me vient, c'est bon, j'ai quelques connaissances un petit peu en milieu de secours. Avec une formation d'ambulancier professionnel, c'est un métier, donc j'ai une question qui me vient tout de suite à l'esprit. Éventuellement, est-ce qu'il peut arriver qu'une personne fasse un malaise suite à l'hypnose ou pendant l'hypnose? Tout à fait. Donc en hypnose ludique, il y a des gens qui se sentent vraiment bien dans l'état et ils ne veulent pas se réveiller. Ils ne veulent pas revenir en conscient. Donc là, mais je dirais que ça, c'est pas un malaise, c'est quelque chose de très bien. Maintenant, si jamais on est en hypnose thérapeutique, et c'est pour ça qu'il y a aussi une bonne formation, il faut faire attention à des gens qui peuvent avoir des soucis autres. Donc on pose beaucoup de questions pour que justement les gens ne prennent pas de malaise, ne tombent pas pire que pour ce qu'ils sont venus. Voilà, mais même en hypnose de rue, une personne qui est très réceptive et qui va, bon là, tu avais assis Alain, par raison de sécurité. Mais aussi, je pense, et puis ce que tu voulais lui faire faire, parce que j'en ai vu qui était debout sur certaines autres vidéos qui tournent sur votre site, notamment dans un restaurant du côté du 28 là-bas. C'était assez marrant d'ailleurs. Allez sur le site, vous avez une page, hein. Tu peux rappeler la page? Oui, c'est hypnotise. C'est la page officielle. C'est sur Facebook. Et voilà, ça vaut le coup. Et là, vous avez donc au micro la personne. Alors tout à l'heure, on avait le patient. Non, c'est le client. Oui. Le client. Et là, on a la personne qui a fait la séance. Donc Michel, et qui est venu nous parler. Donc où apprend-on l'hypnose en fait? Pardon, où apprend-on l'hypnose? Alors, et comment choisir une formation sérieuse? Alors, il y a beaucoup de formations, hein, donc beaucoup d'hypnotiseurs proposent des formations, en général des formations à l'hypnose ludique, et notamment Si vous voulez apprendre l'hypnose gratuitement, vous pouvez venir au club Hypnotise. On se réunit tous les lundis soir de 18h à 20h. On mettra les coordonnées sur la page de Didier & Co, parce que je vous rappelle que vous pouvez voir tout ce qui est fait par mes collègues ou moi-même sur la page. Vous pouvez les retrouver et les podcasts de ce qui se passe, comme l'émission d'aujourd'hui, les émissions dernières, et quelques photos que l'on met aussi sur la page de direct de Didier & Co. Et je mettrai le lien pour qu'ils y aillent directement sur votre page. Sachant que cette formation à l'hypnose est gratuite chez nous. Il suffit d'être adhérent au club et gratuitement sur soirées. L'adhésion, c'est 250 euros. Non, je plaisante, bien sûr. Il y a bien sûr, il faut que toutes les systèmes, les associations puissent vivre aussi, parce que vous êtes en association, nous sommes en association loi 1901, il faut des partenaires, il faut des sponsors, il faut pouvoir vivre, voilà. Il faut aussi des adhérents et des gens, on peut avoir des partenaires, on peut avoir tout un tas de dons, mais voilà, pour qu'on puisse continuer à survivre, ne serait-ce que pour les frais d'essence, les frais de déplacement, les restaurants, les hôtels, tout ça, quand on se déplace en associatif, ça a un coût aussi. Alors, tu m'as répondu qu'on apprenait l'hypnose, donc il y a plein de centres, il y a beaucoup de centres en France, j'imagine. Oui, sur Paris surtout. Et voilà, sur Paris, bien évidemment. Et quels sont, selon vous, les critères d'une bonne formation? Alors, selon toi ou selon vous, en tant que club? Donc nous, il faut prendre des gens qui ont pour maître mot la bienveillance, ce qu'on cherche pas à épater, on n'a aucun don, c'est simplement des techniques. Donc il faut qu'il y ait une bonne entente, une bonne humeur, que l'on s'amuse bien pour que l'on intègre les techniques de faire les tests, ensuite de faire les adductions, c'est-à-dire de mettre les personnes sous hypnose, et surtout le réveil qui est aussi important. Donc les critères, c'est des critères de bienveillance, puis peut-être avec des gens qui ont l'habitude, les membres du club, ça fait quand même 10 ans que l'on pratique et que l'on connaît, donc c'est un des critères. Pour l'hypnose thérapeutique, c'est un peu différent. Il y a des centres spécialisés, vraiment, comme je disais tout à l'heure, sur la thérapie, sur les maladies, sur les traumatismes, etc. Donc là, toujours demander comment l'hypnotiseur ou l'hypnothérapeute, dans ce cas-là, a été formé et par qui il a été formé. Il y a des écoles spécialisées maintenant à Paris. Et est-ce que on se tutoie, parce qu'on s'est tutoyé toute l'après-midi, est-ce que tu penses que ces formations devraient être, comment dirais-je, encadrées par la loi? Est-ce qu'il devrait y avoir un diplôme d'État, ou c'est le grand combat, ça, c'est le grand débat. Voilà, c'est le grand débat. Aujourd'hui, effectivement, tout le monde peut mettre sa plaque d'hypnothérapie s'il a suivi une formation. Ce n'est pas encadré par l'État, mais comme l'hypnose prend de plus en plus de puissance, et puis le milieu médical commence vraiment à s'intéresser, oui, j'ai entendu tout à l'heure, et pour la gestion des opérations. Il n'y a pas tous les produits de... Voilà. Donc il y a beaucoup de personnes du milieu médical qui veulent découvrir et pratiquer. Et donc, j'ai entendu parler d'aide pour des accouchements, d'aide... Il y a même une aide d'hypnotise pour un truc assez important, j'ai plus le nom qui me revient là en direct, mais voilà, ça peut être... Alors, il y a quelque chose qui est bien, notamment les opérations des cordes vocales ne peuvent pas se faire sous anesthésie, il y a trop de risques. Ah, mais ça tombe bien, moi je chante un petit peu, donc si j'ai un problème... Voilà, donc toutes les opérations des cordes vocales se font avec, normalement, la présence d'un hypnothérapeute, ou... Donc c'est un des domaines importants pour l'hypnose. Donc, est-ce que tout le monde peut s'improviser hypnotiseur? Enfin, s'improviser, c'est pas le terme. Tout le monde peut apprendre, et je vous dis, en 2-3 jours, ou en soirée dans notre association, tout le monde peut devenir hypnothérapeute et tout le monde peut faire de l'hypnose de rue. L'hypnose de médical, là, c'est un peu plus compliqué. Il faut, à mon avis, avoir plus des sensations médicales et avoir plus une fibre. D'accord. Voilà, ça, c'est une aide quand même. Mais sinon, tout le monde peut, si on aime ça et si on va dedans, aucun souci. D'accord. Ben là, on va arriver presque au bout de l'interview proprement dit. Mais moi, j'ai reçu quelques questions par par personne, hein. Justement, la première personne se présente comme toi, se prénomme Michel. Ah, super. Et qui m'a envoyé ça en MP. Quelle est la différence entre la sophrologie et l'hypnose? Alors, les frontières, effectivement, sont... Les frontières sont pas très grandes, il n'y a pas une très grande frontière. Je dirais la sophrologie, c'est une autre technique que je connais pas beaucoup, mais qui aide beaucoup à la relaxation. Je dirais c'est complémentaire. D'accord. Quand on est en état d'hypnose, c'est un peu différent. Il y a le subconscient, mais tous ces domaines actuels, de méthode douce, de sophrologie, de yoga, tout ça, c'est un ensemble qui va ça va très bien ensemble, quoi. Donc, voilà. Et on peut trouver son bien-être. Là, je vois qu'il y a mon parrain qui vient d'arriver. Il y a Albino qui est là. Bonjour Albino. Tu vas prendre un petit peu la technique après, il me semble, hein. Oui. Voilà. Je vais te laisser ma place, entre autres, parce que tu vas m'aider. Tu vas techniquer avec moi. Comme ça va soulager Annabella en formation avec sa remplaçante. Donc, j'ai une deuxième question qui est posée par Françoise. Alors, ah oui, ça y est, je comprends. Y a-t-il de la PNL, donc de la programmation neuro-linguistique dans la pratique de l'hypnothérapie? Alors, est-ce que tu peux répondre en tant que... Oui, bien sûr. La PNL, oui, la programmation neuro-linguistique, tout ça, c'est un élément. C'est le terme scientifique basé essentiellement sur la communication. Et pour être un bon hypnothérapeute, où il faut savoir communiquer et se mettre au même niveau que son patient. Donc, la PNL est très, très importante, et bien sûr. D'accord. Alors, de Marlène, que je salue, qui m'a envoyé un petit message tout à l'heure, qui me demande, puis-je sortir de l'état d'hypnose à tout moment si je me sens inconfortable? Oui. Normalement, donc, comme certainement mes camarades l'ont dit, en état d'hypnose, on ne peut pas manipuler. Donc, si une personne peut se réveiller si elle n'en a... Si elle se sent pas bien, si elle se sent inconfortable par rapport à... Ou si elle ne veut pas faire quelque chose. Moi, je connais quelqu'un qui n'aime pas aller danser sur scène. Et donc, quand l'hypnotiseur lui a demandé de se lever et d'aller sur scène pour danser, elle n'a pas voulu. Elle est sortie de l'état d'hypnose. Donc, on ne peut pas prendre le contrôle. Voilà. Alors, une question de Sofiane. Si une personne est très réceptive... Est-il possible de l'endormir, entre parenthèses, par un mot à distance, ou dans un livre? Ah oui, oui, bien sûr, ça c'est un truc que l'on fait régulièrement, au contraire, on aime bien. Elle est très réceptive, elle est sur une chaise, et nous sommes à l'autre bout de la scène, et il suffit de dire un mot, par exemple, banane. Dans la phrase, tu dis, elle est pas prête, tu vas dire, par exemple... Ouais, ben moi j'ai été en Afrique, j'ai mangé des bananes et là boum. Et là exactement. Tout ce qui était. Et chaque fois que on va dire à un moment donné dans la conversation le mot banane, elle va tomber en état d'hypnose. C'est pas du film, ça c'est du vrai. Ah ça c'est du vrai et on peut même faire une personne qui est très réceptive. Banane. Alors c'est la salle. Banane. Banane, j'arrive pas, tu veux pas dormir. Ou alors, on lui envoie un SMS, et quand elle regarde sur son téléphone le SMS qu'elle vient de revoir, et s'il y a écrit banane, elle va s'endormir. Dans la salle, mais si elle est chez elle? Eh ben, à distance, si elle est très très réceptive, et si on a fait une bonne suggestion, elle va le faire. Et après, tu vas la réveiller comment? Parce que c'est à distance. Ouais, c'est à distance, donc là, on reprend... Voilà, il y a tout un... Enfin, voilà, si ça me semble, on va pas vous l'apprendre. On le fait surtout en spectacle. Voilà, vous le verrez en spectacle, donc avec Hypnosis, quand ils sont en spectacle sur la région d'Orléans ou ailleurs. Ouais. Ils seront bientôt, d'ailleurs, sur Orléans, invités dans une brasserie, je ne citerai pas là. Mais voilà, je sais qu'ils seront en spectacle cet été, on va travailler là-dessus. Super. Donc, Julie, bah c'est la dernière question de Julie. Si le praticien qui m'a mise sous hypnose me demande mon code de carte bleue ou de révéler un secret compromettant, elle a des choses à se reprocher alors. Ouais. Qu'est-ce qui m'en empêche techniquement? Alors, normalement, encore une fois, si elle ne veut pas le faire, et normalement on ne le fait pas, naturellement, elle ne va jamais le donner. Mon conseil quand même, c'est de faire attention, de par des moyens détournés, on peut arriver à faire des choses. Donc mon conseil, c'est quand on est en hypnothérapie, c'est de encore vérifier la bienveillance de l'hypnothérapeute, où il a été formé et qu'il n'a pas eu de soucis. Donc, normalement, aucun souci, mais il y a toujours un petit mais. Oui, il y a toujours le mais, virgule, voilà, what and see. Mais normalement, on le fait pas, quoi. Voilà, donc bah, écoute, je te remercie, je vous remercie, nous vous remercions d'avoir répondu pendant plus d'une heure et demie sur le grill de Radio Arc-en-Ciel 96 de Orléans, en direct de la foire d'Orléans. Expo, c'est le stand de D26, tant pour moi. Donc ils sont là aussi jusqu'à 17-18 heures. Voilà, si vous voulez les rencontrer, n'hésitez pas, venez les voir et discuter avec eux. Et tout à l'heure, je ferai un interview sur une brasserie qui est juste à côté de nous. Et voilà, je vais les questionner un petit peu. On verra comment on fait. Et ben, on va se terminer sur cette interview. Merci à vous. Ben, merci beaucoup de nous avoir invités. Voilà, pour ce voyage dans l'hypnose, moi, je vais aller faire la sieste maintenant et je vais passer les commandes à Annabella qui a repris le manche de l'avion et qui est commande. Ben, Annabella, c'est quand tu veux. C'est parti.

J'espère que vous avez passé un agréable voyage, le temps de changer un petit peu tout ce qui était animateur. Et puis j'ai mon invité qui est pas tout à fait prêt parce qu'il est à côté, il est dans le stand de la brasserie des Carnutes et il est en clientèle. Donc on va le laisser d'abord travailler parce que c'est vrai qu'il travaille pas beaucoup les commerçants cette année. Donc on va en profiter pour meubler un petit peu. Il y a pas de souci. Il a le casque, il est prêt, donc dès qu'il aura terminé, nous en attendant, bon, on va questionner l'hypnose, on les a eu quand même assez longtemps. On va questionner juste un petit peu, je vais aller voir le stand à côté. Ils sont pas dispo non plus. Écoutez, on va meubler, hein. On va meubler un petit peu. On va dire bonjour à Jean-Luc. Alors Jean-Luc qui s'entend pas. Jean-Luc qui s'entend pas, mais je suis en train d'attendre un petit peu. J'ai qu'un micro là. Je suis en train d'attendre notre ami des Carnutes. Est-ce que tu peux te présenter, dire ce que tu fais, où tu te trouves, où est-ce qu'on peut te trouver, quels sont tes produits? Tu connais un petit peu la technique. Je vais te passer mon micro parce qu'on va se le passer de l'un à l'autre. Mon deuxième micro est pris. Et donc, je vous passe Jean-Luc. Il va se présenter 30 secondes, 40 secondes. Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Jean-Luc Pénon, donc les rhums type Pénon, les liqueurs type Pénon. Et donc je suis au E26. E26, vous pouvez venir déguster mes liqueurs. Et ne vous inquiétez pas, vous allez avoir le fruit en premier avant la force de l'alcool. Et donc tu te trouves où? Alors tu as dit l'aller, d'accord, mais tu viens d'où? Donc toi tu es réunionnais, tu es... Alors voilà, donc je suis de Saint-Jean-Bré, j'élabore mes liqueurs à Saint-Jean-Bré. Et donc mes rhums utilisés sont... Le rhum HSE, c'est mon rhum de base, le rhum de la Martinique. Et je suis... d'accord, excusez-moi. Voilà, donc je suis à Saint-Jean-Bré. Donc vous pouvez trouver mes produits dans tous les centres commerciaux, y compris Leclerc, les boutiques VNB et les bars. Voilà. Oui, j'ai fait mes emplettes, ça y est. Okay, je remercie, donc n'oubliez pas de venir voir Jean-Luc Tipeno, l'histoire de son entreprise, il vous la racontera, on l'écoutera en podcast, parce que je viendrai l'interviewer demain après-midi par exemple, hein, je te ferai un petit coucou, et je vais retourner donc avec notre ami Descarnutes qui a donc libéré la place pour faire une petite interview sur ça. Voilà, donc écoute, tu vas te présenter. T'es grand, hein, t'as mangé beaucoup de soupe ou c'est le houblon qui fait grandir comme ça? Entre autres. Voilà, écoute, c'est parfait. Donc, je m'excuse auprès des auditeurs. Voilà, hein. ça arrive. Alors, donc c'est là. Alors déjà ton prénom. Jimmy. Jimi, comme Jimi dit Wallace? Non, Jimi Hendrix. Ah d'accord, oui, tu préfères Hendrix à la guitare, c'est ouais. Une, voilà. Ouais. Ok, donc tu fais partie de la brasserie des Carnutes. Tout à fait, je suis associé co-gérant avec mon collègue Johan. Voilà, donc quelle est l'histoire derrière la création de la brasserie et pourquoi ce nom? Ah, alors ça c'est une excellente question. Alors je vais commencer par pourquoi ce nom. En fait, ici on est en terre Carnute. Les Carnutes étaient l'ethnie gauloise que vous aviez localement. D'accord. Et bien évidemment, ils avaient une spécialité à l'époque qui s'appelait la sarvoise. Et la sarvoise, c'était l'ancêtre de la bière. Hein, ce n'est pas une bière au sens réglementaire du terme, mais c'était déjà un alcool à base de céréales. Et donc ça a inspiré le créateur, puisqu'on est la deuxième plus ancienne brasserie du Loiret. On a été créé en 2009, une des plus anciennes de la région. D'accord. Et entre parenthèses, quelle est votre signature ou votre philosophie de brassage? Bio, local, expérimentation, respect des styles classiques? Alors là aussi, c'est une excellente question parce que effectivement, on je a... pose que des bonnes questions. Rendez-vous compte. Ouais, oui, t'es pas mal. J'avoue. En fait, c'est très simple. Au sein de la brasserie des Carnutes, on va avoir deux grands styles. Dans un premier lieu, on va avoir les styles traditionnels, sur lesquels on va avoir une fermentation très très longue et une période de maturation également très longue. Ce sera exclusivement des bières de garde, quasiment à 100% ultra local, 99,9 pour être précis, puisqu'il n'y a pas de levurier en région centre. Donc la seule chose qui ne soit pas locale, c'est effectivement la levure. Et puis de l'autre côté, on va avoir une gamme qui s'appelle Oproc, qui est une gamme sur laquelle on travaille énormément sur l'expression aromatique. Et l'expression aromatique signifie en règle générale un gros travail sur le houblon. D'accord. Et comme ça, on a globalement plus d'une dizaine de recettes qui permettent en règle générale de trouver son bonheur. D'accord. Alors... Comment on pourrait dire, c'est du live, alors tu sais, il faut préparer les questions, enfin fait pareil, il faut avoir des questions à poser, il faut vérifier le stand en même temps. La technique, tu vois comment ça se passe, comment tu pourrais décrire l'identité de ta brasserie en trois mots? Ah, alors je vais reprendre en fait un petit laïus que l'on a mis sur notre stand. Bonjour messieurs dames. Le savoir-faire gaulois, la convivialité des brasseurs, en fait c'est exactement ça. Voilà, je pense que tu as peut-être des clients, parce qu'on va on va intermédier comme ça, puis je laisse le micro en même temps. Hein, voilà, il est en train de servir. Et bah oui, parce qu'il faut qu'ils travaillent un petit peu ces gens-là. Donc je vais, voilà, il a le micro, on va le poser doucement là pour pas que ça fasse trop de bruit, voilà, et ne pas prendre les clients direct, et nous on va continuer à meubler. Alors je vois qu'il y a Albino qui est arrivé, qui est en pleine formation technique par Annabella, ça c'est sympa. Il y a aussi Chantal qui nous a rejoint, qui va prendre juste après moi, voilà, j'espère que... Le fauteuil sera pas trop déplacé et que j'aurai bien mis le casque Jack, n'est-ce pas, Chantal? Voilà, on sait ce qu'on parle tous les deux, il n'y a pas de problème. Donc vous êtes sur le stand radio, enfin nous sommes sur le stand Radio Arc-en-Ciel 96.2, sur la Foire Expo, à côté de notre partenaire pour un voyage à gagner. Voilà, on nous fait des signes, je comprends pas tout parce que j'ai le casque. Je comprends très bien le morse et les signaux de fumée. Tu peux me le dire dans l'oreillette, hein. Alors je ne t'entends pas, je suis désolé. Je n'ai rien, absolument rien. Juste pour savoir, oui, si tu avais une musique de prête. Oui, bah on a un technicien qui est là, qui connaît très bien le logiciel sur lequel je travaille et qui peut lancer la musique tout de suite après. Voilà, bah c'est la rouge. Puis après, tu sais comment on travaille ou il te faut une formation? Je vais te faire une formation, Albino, il n'y a pas de problème. C'est lui qui m'a formé, donc je peux le former. Il m'a déformé aussi. Voilà, donc notre ami est toujours en clientèle. Alors on va faire ce qu'on peut parce que bon, il est 4h, on a encore une heure devant nous. Ça nous permet de faire un petit peu. Là, je vois qu'il y a du monde. Bonjour, monsieur. Vous permettez deux petites minutes. Non, monsieur ne veut pas parler. Madame peut-être veut parler au micro. Elle peut dire bonjour. Déjà, elle se présente. Elle va nous donner son prénom. Véronique. Bonjour, Véronique. Ah ben, je suis pas perdu. C'est le prénom de mon épouse. Donc, tout va bien. Voilà. Alors bonjour Véronique, vous vous promenez un petit peu dans la foire, vous faites un petit peu des emplaintes. Comment trouvez-vous cette année, ce millésime 2026? Oui, c'est calme, c'est calme. Un petit peu moins d'exposants qu'il y a quelques années, mais bon, on va aller voir l'exposition du Portugal, là c'est toujours intéressant. Voilà, allez voir l'exposition sur Lisbonne, hein, c'est sur la ville de Lisbonne. Alors, je vais vous donner une petite information, pourquoi ça fait aussi qu'il y a moins de stands. C'est peut-être pas le fait qu'il y ait moins de stands, mais ils ont agrandi la surface, donc ça fait un petit peu plus large. Organisé différemment. D'accord. Voilà. Et là, c'est la première fois que vous venez cette année à la Oui, cette année, oui. D'accord. Donc, tout se passe bien pour vous. Je vois, c'était monsieur qui n'a pas voulu répondre. Ah, voilà, madame m'a fait quelques emplaintes. Voilà, je ne sais pas, ça ne m'a l'air pas ce qu'elle n'a acheté. Enfin, ça se passe bien, Véronique. Voilà, c'est au mois de mai, nous, votre fête, je ne sais plus. Là. Oui, c'est le 4. C'est le 4. C'est le 4 Véronique. Et il ne faut pas oublier que Véronique, c'est celle qui a essuyé le visage du Christ. Oui, c'est vrai. Oui. Mais mon anniversaire, c'est bientôt, c'est au mois de juin. Voilà. Ah, voilà. Alors, n'oubliez pas, on ne dira pas la date, hein, mais l'année de naissance, du moins. Sinon, la date, c'est sans dire l'année, c'est quand c'est le 5 juin. Le 5 juin, juste avant le débarquement. Voilà. Alors, 5 juin, n'oubliez pas. Alors, si je regarderai, c'est quel jour le 5 juin? Vous savez pas. Si c'est un jeudi, je vous ferai une petite dédicace. Hein, parce que bon, vous avez une émission qui est tous les jeudis après-midi, Didier & Co. Et là, nous sommes donc en direct au stand d'Arc-en-Ciel parce que nous sommes une radio portugaise avec des émissions portugaises mais aussi des émissions françaises. Et moi, j'organise le jeudi après-midi, enfin, j'anime une émission qui s'appelle Didier & Co. où on parle un petit peu de tout. Et là, aujourd'hui, c'est mon poste. Voilà. Eh bien, écoutez, Véronique, si vous voulez dire bonjour aux auditeurs, vous pouvez. Ben, bonjour à tous les auditeurs et venez en nombre à la Foire Exposition. Voilà. Eh bien, le message est passé. Alors, je vais retrouver si mon exposant est prêt. Merci à vous d'avoir répondu ces quelques minutes au micro. Je vous vois. Et là, il est en train d'encaisser. Donc, on me fait signe de revenir faire un petit tour à la technique. Est-ce que tu peux aller interviewer les gens de la menuiserie? Ah ben on va aller faire un petit interview avec mon ami. Voilà, on va aller voir France Menuiserie. On va aller du côté de France Menuiserie si le micro fonctionne. Voilà, parce qu'ils sont un petit peu éloignés. Voilà, alors on rentre dans le stand. Toc, toc, toc. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Voilà, et bien on est allé. Alors on m'envoie d'un côté dans un bureau, dans un autre, avec une petite photo, j'arrive en direct. Bonjour monsieur, donc Didier, émission Didier & Co, Radio Arc-en-Ciel, 96.2 Orléans. Et vous êtes Alberto. Alberto, ben on n'est pas perdu, hein, parce que nous aussi on a un Alberto chez nous, donc voilà, vous êtes peut-être portugais aussi? Un petit peu. Un petit peu ou entièrement? Entièrement. Entièrement. Alors moi je suis pas portugais, je parle pas le portugais, alors j'ai. Il est parti. Avec un portugais, alors. Voilà. Il parle qu'au portugais. Hein. Voilà, ben on va se présenter un petit peu. Donc vous avez présenté votre société, si c'est possible. Entreprise France Menuiserie, on est à Saint-Jean-de-la-Ruelle depuis 25 ans. Pas à Saint-Jean-de-la-Ruelle depuis 25 ans, mais dans la région orléanaise depuis 25 ans. Nous fabriquons tout ce qui est fenêtres, portes, volets, auprès du particulier, avec la pose, et voilà. D'accord. Il y a déjà beaucoup d'auditeurs d'Arc-en-Ciel qui nous connaissent. Ah ben c'est parfait, alors on a fait notre travail, on peut s'en aller alors. Hein, mais le principal c'est de vous laisser quelques instants parce que c'est vrai que je suis en interview avec des fabricants de bière qui sont à côté de nous, les Carnutes, mais il est en clientèle aussi, donc il faut meubler pendant ce temps-là, il faut trouver. Alors j'ai vu Alberto, il m'a fait un petit signe de la main, il dit viens nous voir. Voilà. Non, c'est un de vos collègues et on est venu voir, mais si tu veux parler quelques mots à nos auditeurs en portugais, tu peux aussi, hein. Non, tu veux. T'as un mauvais accent portugais, voilà, ils voulaient interviewer que par des portugais. Voilà, tu veux pas dire un mot à la radio en portugais, juste un petit coucou par exemple, un petit bonjour. Grande bon dia à toute la gente, et sejam todos bem-vindos aqui na Feira de Orleans. Et já muita gente já veio cá, et podem tornar à vir, este ano é muito bon. Voilà, alors moi je peux vous dire une chose, je n'ai absolument, mais absolument rien compris. Hein. Sûrement eux non plus. Voilà. J'articule mal et j'ai un mauvais accent. Non, mais ça va, le principal. Alors, est-ce que tu peux nous parler de tu fais donc des portes, des fenêtres, des ouvertures, un petit peu tout. Ça fait 25 ans, vous êtes sur Saint-Jean-de-la-Ruelle. Et vous êtes où? On est à Auchan, Saint-Jean-de-la-Ruelle, dans la galerie d'Auchan, en face Plunch. D'accord, dans la galerie, oui, ça y est, je vois où vous êtes. Voilà, Vous avez, il y a un truc qui fait des téléphones aussi, pas loin, sur votre droite. Ou sur à la gauche, c'est pas comment on regarde. Oui, voilà, tout à fait. Alors là, on travaille qu'avec un micro, mais de temps en temps, il faut juste basculer, parce que sinon, les auditeurs n'en parlent. Il y a alors, beaucoup de moyens, je voilà, alors. Hein non, c'est pas ça, c'est que l'autre micro, il est pris par mon. D'accord. Il est avec lui, donc c'est pas facile, je peux pas aller lui arracher derrière son stand. Comment dire, donc 25 ans, et vous faites, voilà, j'ai pas de. Il veut me prendre en photo, il est en train de prendre une photo, voilà, il est en train de faire la vidéo en live, et il me l'avait pas dit, hein, le coquin. Bah oui, voilà, voilà, donc voilà, on est avec Alberto sur le stand de France Menuiserie, c'est ça ? Faut pas se tromper, voilà. Et donc, on est en live. Voilà. Voilà. Et on essaye de faire notre boulot comme on peut. Alors, est-ce que vous êtes content de cette foire Oui, ça va. Toujours content d'être à Orléans. On est à la maison. On fait pas mal de foires dans toute la région. À Orléans, on est à la maison avec. Et puis voilà, on voit nos anciens clients. On voit aussi des nouveaux. Enfin, tout le monde est le bienvenu. Tout va bien. Par contre, je vais être obligé. Il a un téléphone lui aussi. Ils sont très occupés, ces messieurs. Puis c'est un client. En plus, un très bon client. Alberto, je vous remercie et je vous dis à plus tard. Merci. On se revoit au plusieurs. Voilà, on est reparti donc au stand arc-en-ciel. Voilà, on a juste, comment dirais-je là, je suis en train de voir avec les messieurs de l'hypnose. Tu as pris une ou deux photos. Tu peux les prendre en photo. Hein. Tu as mon appareil et on verra ça tout de suite après. Il est toujours, il est disponible. Il est revenu. Il est là. Donc Jimmy, quand Jimmy Hendrix dit voilà, c'est de retour. Alors, quels sont les. On revient avec la brasserie des Carnutes. Quelles sont les différentes phases ou étapes de process de fabrication? Alors, il y en a effectivement de très nombreux parce que la technicité pour faire une bière, ça fait partie des alcools les plus techniques à réaliser. La première chose déjà, c'est d'avoir une belle matière première. D'accord. On a la chance en région centre et notamment dans le département du Loiret. D'avoir des agriculteurs qui travaillent très très bien. Et donc on va disposer de différents types de céréales qui vont être très qualitatives. On ne peut pas brasser directement une céréale au naturel, on est obligé de la faire germer. Et une fois qu'on a fait germer cette céréale, on va effectivement l'arrêter par un processus de température, ça s'appelle le maltage. Et c'est ça qu'on va utiliser, le malt de céréales, puisque à l'intérieur, vous allez avoir effectivement le sucre, l'amidon. Exactement, qui va être transformé et qui va nous permettre effectivement, avec extraction de cet amidon, de créer le carburant, si je puis dire, pour le travail de nos levures dans un deuxième temps. D'accord, donc ça passe dans une machine en fait pour le... Tout à fait, donc on va effectivement torréfier, si je prends le principe d'un torréfacteur, parce que c'est une image que l'on peut connaître plus facilement quand on parle de café ou d'autres. En fait, on va venir torréfier la céréale germée et ça va venir stabiliser le sucre à l'intérieur de cette fameuse céréale. D'accord. On va la concasser, c'est-à-dire qu'on va casser le grain en plusieurs petits morceaux. Voilà. Exactement. Surtout, on ne va pas faire de farine parce que sinon ça peut poser des problèmes au niveau du recettage et au niveau de la filtration. Et ensuite, on va la mettre effectivement dans ce qu'on appelle une salle d'empattage. La salle d'empattage, c'est là où vous allez avoir la transformation, l'extraction de nos céréales, où on va venir extraire les fameux sucres que l'on va ensuite faire consommer en grande partie par l'intermédiaire des levures qui vont être effectivement nos copines. Et ça, vous les mettez dans un récipient, dans quelque chose Tout à fait. Donc, on va avoir une grande... Alors, ça s'appelle la salle d'empattage. Hein, chez nous, ça fait un peu plus de 10 hectos. Et donc, on va y mettre une certaine quantité de malt concassé. On va le faire monter en température, à ce qu'on appelle des batchs de température pendant une période donnée, ce qui va pouvoir permettre de faire un petit peu une bière sur mesure. Est-ce qu'on veut un peu plus de mousse? Pas assez. Est-ce qu'on veut du corps ou quelque chose qui va être plus liquide? Est-ce qu'on veut un potentiel de taux d'alcool élevé ou pas? On va vraiment pouvoir faire du sur-mesure en fonction de la parfaite maîtrise de la quantité de malt, de la quantité d'eau et derrière, effectivement, de l'extraction des différents sucres que l'on va faire. Une fois qu'on va avoir fait cette chose-là et qu'on va être monté à une certaine température, on va venir faire une filtration. Ça monte jusqu'à quelle température à peu près, l'évolution? Environ 80, pas encore. On va monter à un peu plus de 80-85 degrés. Donc ça, c'est dans la grosse marmite. Exactement. J'avais mis donc ces produits dans la marmite. Les deux ingrédients, ça voilà. Ça infuse un petit peu, ça. Voilà. C'est exactement, c'est ça. On va venir faire une infusion, une extraction un petit peu comme un thé. D'accord. Et là, on va effectivement. Thé, là, c'est de la bière. Hein. Là, c'est de la bière, effectivement. Voilà. C'est pas encore de la bière. Ah oui, c'est de la... On va avoir le terrain fertile à faire de la bière, mais on sera pas encore sur cette chose-là. Il faut encore d'autres ingrédients pour pouvoir faire une bière. On va faire une filtration et on va rechercher à ce que la filtration se passe du mieux possible pour extraire justement le maximum de sucre et le maximum en fait d'infusion de ce malt. Ça va repartir dans la salle d'empattage et c'est à ce moment-là qu'on va monter à ébullition et qu'on va effectivement injecter le houblon. D'accord. Le houblon, vous avez deux grands types de houblon. Vous avez des houblons amérisants et puis vous avez des houblons aromatiques. L'amérisant, comme son nom l'indique, va venir apporter cette pointe d'amertume plus ou moins présente qu'on peut avoir en fonction des styles de bière. Et puis l'aromatique, lui, va apporter toute une palette d'odeurs et de goûts qui vont venir sublimer, entre parenthèses, votre bière. On peut aller sur des fruits, on peut aller sur un côté herbacé, sur un côté résineux, etc. etc. Il est passionnant parce qu'il est passionnant et passionné parce que il faut voir vraiment ton visage quand tu en discutes. Tu es vraiment dans la phase. Donc on a dit qu'il y avait le concassage. L'empattage. Voilà, tout à fait. À suivre. Ensuite, donc là, on est sur une phase effectivement où le houblon va venir tranquillement infuser notre jus. Je l'ai perturbé. Ah, oui, mais le problème, c'est que t'es passionné aussi, donc entre passionnés, forcément. Et voilà. donc là, on va la porter à ébullition. Et une fois qu'on va l'avoir porté à ébullition, on va avoir une deuxième filtration. D'accord. Là, c'est ce qu'on appelle un whirlpool. En fait, on va enlever les quelques résidus de céréales qui restaient, et surtout, en fait, les résidus de houblon. Et on va utiliser, en fait, une technique scientifique très simple qui s'appelle la force centrifuge et la force centripète. Et donc, la force centrifuge fait que le liquide va se coller, effectivement, sur la paroi. On va l'envoyer à haute vitesse. D'accord. Le reste va se sédimenter en son centre. D'accord. Et on extraira, bien évidemment, les résidus de houblon et les quelques petits résidus de céréales. En fait, on fait que de la filtration naturelle. On n'utilise pas de filtration chimique ou quoi que ce soit d'autre. D'accord. On utilise vraiment des process 100% naturels. Donc, de là, il n'y a plus les graines. Donc, il y a du résidu de graines. Il y a... Quasiment plus. Pardon ? Quasiment plus, étant donné qu'on a fait la filtration. Là, il n'y a plus que le liquide. Exactement. Mais il reste quelque chose, quand même, qu'on met de côté... Alors ça, c'est ce qu'on appelle les drèches. Voilà, c'est là où je voulais revenir. Voilà, la drèche, c'est le résidu effectivement, résidu noble. Des céréales. Ces résidus de céréales peuvent être utilisés à 100%. Il n'y a aucune perte. Oui, on va changer de raison. Ça sera mieux. Ce sera stratégique. Ouais, stratégique. par exemple, les résidus de drèche peuvent être consommés par les animaux, notamment dans les phases de quand ils ont des petits. D'accord. Parce que la drèche a des propriétés et une grande qualité, notamment de protéines, et ça améliore fortement la lactation. D'accord. Donc, quand les vaches, par exemple, ou les autres animaux femelles ont des petits, ça a de grandes qualités en complément alimentaire. D'accord. Je sais aussi que excuse-moi de te couper, c'est bien à la tête, la drèche, on peut aussi la faire sécher. Tout à fait. Récupérer de la farine. Oui. On pouvait faire d'autres choses avec. Oui. Alors, on peut faire des pâtes, par exemple. On peut faire effectivement des pâtes carnutes. Pâtes complètes carnutes. Pourquoi pas. C'est une idée. Ah, voilà. On sent le grand marketeur qui parle. Voilà. Et on peut également, bien évidemment, faire des gâteaux. Moi, il m'arrive de récupérer des drèches et de faire des gâteaux, de faire des crackers. Je viens d'en manger parce que vous êtes situé où, vous ? Ah, alors aujourd'hui, on est sur Chessy. On est 75 avenue d'Orléans à Chessy. C'est là où est notre zone de production. Et bien évidemment, tous les clients, les auditeurs et même les curieux sont bien évidemment les bienvenus chez nous. D'accord. Donc, on en était, donc le drèche, l'empattage, qu'est-ce qui reste ? Exactement. Donc là, on arrive à la filtration et donc on a effectivement un jus qui est en train de retomber en température. Hein. Rappelez-vous, il y a eu l'ébullition qui permet de saniter le jus. Ça va aller effectivement dans le whirlpool. On est encore à 85-90 degrés à peu près. Et ensuite, il va falloir qu'on l'envoie dans les fermenteurs. C'est là où il va y avoir le travail des levures. C'est un travail hyper important. Et surtout, il faut la mettre dans les meilleures conditions. C'est-à-dire qu'il faut la mettre à la température où nos amis les levures vont pouvoir se réveiller, vont pouvoir effectivement se mettre en route et venir croquer tous les jolis sucres, hein, le banquet entre parenthèses qu'on leur a préparé, de manière d'une part à consommer ces sucres et à les transformer en deux choses. Un gramme de sucre devient environ 0,5 g d'alcool et 0,5 g de CO2. Ce qui veut dire que l'on va avoir une carbonatation naturelle. Carbonatation, voilà, je cherchais le terme, je cherchais mon dictionnaire, on s'est un petit peu séparés entre Jim et moi, je suis revenu à la technique. Et bah, si tu veux, le temps qu'on y aille déguster un verre d'eau ou une limonade, tout à fait, oui. On va mettre un petit peu de musique pour nos auditeurs. Avec plaisir. Parce qu'il est bavard, moi aussi, et là, c'est l'heure de la musique. Allez, une petite escale musicale. Si la technique est prêt, c'est bon, le pouce en l'air. Allez, c'est parti. C'est pas parti. Ah, mais ça veut pas partir. Hein. Voilà, les joies du direct. Hein. She was heartless in every way. I'm losing my way. I'm losing my way through this darkness. She was heartless in every way. I'm losing my way. Sur le stand Radio Arc-en-Ciel 96.2, voilà, avec un petit peu de musique qui nous ont fait planer. On est revenu donc avec Jimmy. Il va nous terminer un petit peu la fabrication de la bière. Aïe, aïe, aïe. Non, mais tu peux, hein, normalement. Ah, ça y est. C'est moi. Il y avait un problème de. Exactement. D'appuyer sur le bon bouton. Ça va marcher beaucoup moins bien, chef. Ça c'est sûr. Donc on en était effectivement au moment où on va transvaser le brassin vers effectivement le fermenteur. C'est un moment qui est clé puisque c'est le moment où on va effectivement intégrer la levure. La levure effectivement va se réveiller. Ce sont des petites bêtes et ces petites bêtes elles vont venir effectivement croquer les sucres. Ah, en croquant les sucres, elles vont toutes les calories alors. Et oui, la levure, c'est un petit peu le globule blanc que vous avez dans votre sang. Elle va venir croquer absolument tous les sucres. Elle va venir croquer tout ce qui va être bon à manger. Et en faisant cette chose-là, en fait, elle va transformer 1 gramme de sucre en 0,5 gramme d'alcool et en 0,5 gramme de CO2. Hein, c'est elle, justement, qui va venir gazéifier naturellement votre bière. Ce processus-là va prendre plusieurs jours et peut même durer plusieurs semaines. Hein, c'est ce qu'on appelle ensuite la maturation secondaire, de manière à affiner au maximum votre bière. Au bout d'un certain temps, en fonction des types de levures et en fonction des types de recettes, on va pouvoir ensuite passer soit à l'enfutage, soit à l'embouteillage. Alors, l'enfutage, c'est la mise en fût. Hein, exactement, c'est l'acte de mettre la mise en bouteille, les petites fioles qu'on voit là sur le stand. Hein, exactement, sur le stand. C'est des 33, je crois. Vous avez des 75, exactement. Et on a quelques photos tout à l'heure. On a mis également un fût de 30 litres format euro bar, ce qui permet un petit peu de se rendre compte aussi des différents types de matériel que l'on peut avoir au sein de la canette. Vous faites pas, on fait pas la canette, on n'a pas d'encaneuse. La canne correspond souvent à ce qu'on appelle des bières modernes, des bières craft. Ça veut pas dire qu'on en a pas, ça veut dire que pour l'instant on reste fidèle à la bouteille, tout simplement parce que je suis également coprésident de l'association Consignez-moi. D'accord. Et je milite effectivement pour le retour de la consigne. Parle-nous-en deux minutes de Consignez-moi. Ah bah c'est très sympa, je t'en remercie. La consigne, c'est effectivement un acte hyper important sur vos bouteilles, sur tout ce qui peut être en lien avec vos consommations de confiture, de soupe, etc. etc. Le verre, c'est assez extraordinaire parce que c'est cher. Hein. Alors, c'est cher et c'est pas cher. Parce que ce qu'il faut regarder effectivement, c'est le nombre de fois où on pourra l'utiliser et où ça restera absolument parfait d'un point de vue risque sanitaire, etc. etc. Et le gros avantage de la consigne, c'est qu'on consomme nettement moins d'énergie et qu'on a aujourd'hui des contenants qui peuvent être réutilisés plus d'une dizaine, voire une vingtaine de fois, sans qu'il y ait une usure prématurée ou précoce. Les technologies aujourd'hui de vérification de cette chose-là sont très très avancées et donc on a une parfaite situation sanitaire, tout en ayant un matériel qui est parfaitement adapté, et c'est très très bon pour le développement durable et pour l'environnement, puisqu'on consomme nettement moins d'énergie, nettement moins d'eau notamment. D'accord, bah c'est parfait comme ça, voilà, tu as un petit clin d'œil. C'est très sympa, je t'en remercie. D'où viennent vos matières premières en fait? Alors, on va être vraiment en ultra local, puisque 100% de nos maltes de céréales viennent de la malterie de Pithiviers. Donc on a une belle traçabilité à 30 km en gros autour de Pithiviers, donc vraiment très loirétaine. Et puis on va avoir une majeure partie de nos houblons qui vont également être loirétains. D'accord. Avec une houblonnière qui est à quelques kilomètres de Neuville-aux-Bois. En Alsace ou quelque chose comme ça. Vous avez des grands fiefs houblonniers qui sont effectivement les Hauts-de-France et l'Alsace. Ouais. Vous avez aussi du côté de Bordeaux où ça se développe pas mal. Alors Bordeaux, puis, c'est des vignes, hein, mais ouais, vous ils avez sont aussi des arrachés. Vous avez aussi en Bretagne chez nos amis bretons des zones de production qui sont très très sympas. Donc le houblon, le malt, la levure, on la vient. Alors la levure, par contre, il n'y a pas de levurier en région centre, donc la levure est plutôt une levure type d'Hauts-de-France ou alsacienne, et on a quelques levures étrangères type américaine ou autre sur des recettes très spécifiques qui nécessitent effectivement d'une part par exemple des houblons américains ou des houblons néo-zélandais et également donc des levures qui correspondent bien au style, puisque dans le monde de la bière on parle bien de style. Le style de bière, oui, tout à fait. On parle pas de couleur. La couleur, c'est un élément de distinction. Mais ce qui la est blanche, la brune, la rousse, la blonde, la vraie blonde, la fausse blonde, l'IPA. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Et je veux pas aller sur ce sujet. Étant grand féministe, je voudrais pas avoir de soucis. Voilà, pour non, mais bien sûr. Auditrices. Non. Mais on va pas attaquer. On va pas aller sur une. Je vais pas te savonner la planche. Ah, tout à fait. Voilà. Pour toi, Jimmy, quelle est l'étape du brassage selon toi, qui définit le plus le caractère de vos bières? Ah, alors, dans tout le process du brassin que je t'ai expliqué, pour moi, ce qui nous caractérise énormément, c'est effectivement cette période de maturation secondaire qui est très très longue, puisqu'on a, dans le cadre de la gamme Carnut, on est sur ce qu'on appelle une bière de garde. Donc, il y a une réglementation, c'est extrêmement cadré, et donc, comme on a plus de 3 semaines de maturation secondaire, on a le droit de pouvoir préciser que nous sommes sur des bières de garde, ce qui est hyper intéressant d'un point de vue quali et d'un point de vue gustatif, parce que vous n'avez aucune sensation d'alcool. Ce sont des bières qui ont une grande buvabilité, qui sont très rondes, qui sont charpentées. C'est des bières qui sont extrêmement agréables. Tu les connais, tes bières, hein? Ah, je les ai. Aussi, t'es bien charpenté. Hein. J'ai essayé, mais. Ah, on verrait sur les photos, je suis petit, j'ai l'impression d'avoir un Tancarel. Pas faux. Avec un deuxième latte, comme on dit. Voilà. mais c'est vrai que ce qui nous caractérise, c'est ça. C'est vraiment un travail de patience pour laisser l'ensemble de nos matières s'exprimer au mieux. Et pour la petite histoire, mais ça pourrait nécessiter encore une discussion pendant des heures, il faut savoir également que l'on fait ce qu'on appelle des bières barriquées. Et les bières barriquées, ce sont des bières qui ont ensuite un affinage. Ah oui, vous les faites vieillir en barrique? Exactement, une autre maturation en barrique, que ce soit des barriques de... Fût de chêne Fût de chêne, bien évidemment, mais ça peut être des barriques de whisky, ça peut être des barriques de vin. Je viens d'y baigner, moi, dedans. Tu rentrerais pas par le petit trou du... Mais c'est hyper intéressant, des barriques de rhum, etc., etc. Ah là là là, là. On parlait de rhum tout à l'heure avec notre ami Jean-Luc qui a pris la relève, mais j'irai le voir demain. Donc on a vu pour ton état de brassage, proposez-vous des bières de saison ou des éditions limitées, et comment décidez-vous des nouvelles recettes? Alors ça aussi, c'est encore une très très bonne question. Alors, édition limitée, oui, puisque par définition, quand on fait des bières barriquées, on ne peut utiliser la barrique qu'une fois, rarement deux fois, hein, puisque c'est vraiment une extraction aromatique sur une période longue. Ouais, tu vas changer, tu vas imbiber la barrique, sinon il faut y être. Exactement. Donc, on peut considérer effectivement les bières barriquées comme étant des éditions limitées, puisque il n'y en aura pas une autre qui sera exactement la même. Bien sûr. Et puis ensuite, on a effectivement, et on va relancer des bières, ce qu'on appelle éphémères, c'est-à-dire c'est vraiment une création sur l'instant qui tient compte de la saisonnalité et qui permet d'aller chercher des petits moments sympas avec une bière adaptée à la période, notamment à la période estivale par exemple, ou à la période automnale. On n'a pas toujours les mêmes envies en termes de bière, en fonction qu'il fasse 35 dehors, et fonction qu'il fasse bien évidemment une dizaine de degrés, ce ne sera pas tout à fait les mêmes recettes. Bien sûr. Eh ben, j'en profite pour rappeler que nous sommes en compagnie de Jimmy. Jimmy, on est à la Foire Expo, au stand. Exactement. On est entre les deux, on a une frontière entre le stand des Carnudes, qui est notre voisin de... Qui est très fine. Voisin de palier, on va dire. Et en même temps, Radio Arc-en-Ciel 96.2 sur le stand D26. Exactement. Et toi, tu es situé E25, donc on se touche. Foire Expo, en direct dans l'émission Didier & Co. Ouais. Une première pour moi. Il y a toujours que des premières avec toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel, toute l'équipe, une partie de l'équipe. Et Hypnotise qui sont là devant nous et qui font quelques exercices avec des clients et non pas des patients, comme ils me l'ont dit tout à l'heure. Quelle est votre capacité de production? Il faut que j'arrête la bière ou il faut que je me mette au Coca-Cola, moi? Ou alors c'est peut-être ça. Voilà, c'est peut-être ça, mais ça, on verra à la fin. On a juste posé pour avoir une petite photo avec la société, l'entreprise Carnutes. Alors, vous êtes d'origine à Neuville-aux-Bois, mais c'est bien ça. On est né à Neuville-aux-Bois, effectivement. On a eu l'occasion de reprendre des collègues qui étaient sur Chessy, donc la brasserie Oproc, que l'on a effectivement fusionné avec la brasserie Carnutes, donc l'année dernière, le 19 mars pour être précis, hein, on est quasiment en période anniversaire, c'était très bons brasseurs techniques, donc on a aujourd'hui effectivement les deux gammes, plus la troisième gamme que je viens d'expliquer, qui est les barriquées, et on va effectivement travailler sur ces trois gammes, sur les temps à venir. Voilà, quelle est la capacité de production actuelle et quels sont vos projets éventuellement d'agrandissement? Alors, on a aujourd'hui un énorme projet qui est déjà en cours, puisqu'on a eu dernièrement le plaisir d'avoir un petit article sur la République du Centre qui explique... Ouais, ils sont voisins, ils sont pas loin, ils sont juste un petit peu derrière nous. C'est pour ça que je dis là, ça, justement, voilà. Ils sont présents pas très loin de nous, où en fait, on va créer un espace de découverte, un petit peu à 360 degrés autour du monde brassicole, où on fera effectivement venir de la gastronomie, où on fera effectivement un travail sur les senteurs, etc., etc. Ce sera vraiment un espace très ouvert, très convivial. Hein. La bière, c'est C'est un moment de convivialité, c'est un moment intergénérationnel. C'est là où on pourra prendre effectivement beaucoup de plaisir, se poser, et puis découvrir quelque chose qui est assez extraordinaire, qui est effectivement le monde de la fermentation. Et c'est ce qui est aussi sympa avec la bière, c'est que ça permet effectivement d'échanger, de discuter, de prendre du plaisir avec tous les gens qui viennent nous voir. Voilà. J'ai pas entendu tout à l'heure la capacité de production. Ah, on a une capacité de production qui peut être assez conséquente, puisqu'en fait, c'est une question de modules. Donc, on a 4 modules aujourd'hui de 10 hectos, ce qui veut dire que même avec une utilisation faible, on pourrait faire plus de 400 hectos et on pourrait monter de manière vraiment exponentielle. C'est un petit peu comme le principe d'un Lego, où on va rajouter des modules en fonction de sa capacité. Aujourd'hui, on a amplement ce qu'il faut, et justement, on a dans ce cadre du projet d'agrandissement, on intégrera probablement un ou deux modules complémentaires, ce qui nous permettra d'avoir vraiment une grande visibilité sur les années à venir, et continuer surtout à développer différents styles de bière, différents types d'accords, etc., etc. Voilà, tu sais que, bon, je vais pas te tendre un piège, mais tu sais que, bon, on en a discuté un petit peu en off, c'est que je connais très bien vos collègues, enfin... Oui, moi, j'ai pas que je veux citer, là, c'est la brasserie du Four à Briques. Oui, tout à fait. Je sais que vous travaillez, vous êtes combien de brasseries, à peu près Une trentaine, à peu près, dans le Loiret, voilà. Ouais, je connais la brasserie des Merveilles, je connais... Bien sûr. Bah, on a le gros avantage dans le Loiret, d'avoir, d'une part, accès à très, très belles matières premières, ce que j'expliquais tout à l'heure, et d'autre part, on a aussi des brasseurs qui sont assez créatifs, qui sont plutôt des brasseurs de qualité. Il y en a qui ont déjà eu quelques jolies récompenses dans certains concours. Donc moi, ce que j'encourage, entre parenthèses, à vos auditeurs, et plus largement quand auditrices, hein, parce que les femmes aussi, hein, elles aiment auditrices, la bière, bien évidemment. Quand tu disais que tu voulais me tendre des pièges, t'es coquin. Hein. d'ailleurs, je peux pour aller dans le sens de cette chose-là, j'ai plaisir à remarquer que je fais beaucoup de visites dégustation, puisque je suis aussi birologue, zytologue, donc je travaille aussi sur de la gastronomie, sur des accords mets bières, etc., etc. Ça faisait partie d'une de mes questions. Voilà. Et il se trouve que dans les ateliers que j'anime, que ce soit en interne à la brasserie ou que ce soit chez d'autres clients, restaurateurs, caséologues, etc., etc., il se trouve qu'on a une présence féminine qui est de plus en plus conséquente, et on arrive très souvent à avoir plus de femmes que d'hommes. Donc c'est vraiment des moments de partage qui sont très très sympas. Voilà. Vous avez une bière phare, un best-seller, et pourquoi, s'il y en a une, pourquoi elle plaît autant? Alors, c'est très compliqué de t'en donner une, parce que dans le mix, entre parenthèses, de nos styles de bière, aujourd'hui, il y en a 3. Hein, qui pèsent quasiment le même poids en termes de vente. Hein, on a effectivement donc une bière blonde qui s'appelle la Bélier, qui est une pale ale, donc une bière d'orge, qui a un petit peu de rondeur, qui est fruitée, qui a une petite amertume, qui est vraiment une bière extrêmement agréable, très conviviale, très rafraîchissante. On va avoir également une IPA qui est un best-seller en soi. Tout le monde, je sais que l'IPA, il y a deux choses, ou elle plaît ou elle plaît pas. Oui, alors c'est ça dépend effectivement de son équilibre. Hein, en règle générale, une IPA, elle va aller sur ce qu'on appelle un côté résineux, et donc une amertume qui est assez présente, voire même très intense. Soit on va avoir une IPA qui va plutôt être sur le fruit. Voilà, tout à fait. Ouais. Et qui va être plus équilibrée. Hein. Nous, on est plutôt effectivement sur une IPA extrêmement équilibrée, avec une belle amertume, mais qui va être en lien avec une présence de fruits qui est très très marquée et qui est liée uniquement à l'extraction aromatique du houblon. Hein. Il n'y a pas de jus de fruits ou quoi que ce soit d'autre, on n'est pas sur des bières aromatisées, on est vraiment sur un processus de bière pure, hein. D'accord. Au travail du houblon. D'accord, ok, donc... on a vu pour la bière phare, enfin plusieurs bières phares, donc Carnut. Ouais. Et pour quelqu'un qui ne connaît pas la bière artisanale, par laquelle de vos références conseillerez-vous de commencer? Alors ça, je vais le prendre en sens inverse et je vais pas te faire une réponse de non. Tu prends dans le sens que tu veux. Je vais le prendre en sens inverse parce qu'en fait, je vais partir tout simplement, c'est une question qui va être très personnelle. En fait, je vais partir du palais. De la personne que j'ai en face de moi. Parce que il y a des personnes qui vont être plus sensibles aux fruits, qui vont être plus sensibles à l'amertume, qui vont être plus sensibles à l'alcool, etc., etc. Et donc, je vais d'abord leur poser cette question-là. En règle générale, qu'est-ce que vous aimez dans la gastronomie, que ce soit de tous les jours ou quelque chose qui est un petit peu plus évolué? Et j'adapterai effectivement mon conseil à son palais, ce qui permet d'avoir une première expérience qui puisse correspondre au mieux à la personne que j'ai en face de moi. Voilà, donc la prochaine question, c'était y a-t-il un accord mets et bière, parce que tu m'as dit tout à l'heure que tu travailles un peu sur le sujet aussi, que vous recommandez particulièrement avec l'une de vos créations? Oui, alors ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est qu'on va aller vraiment dans le monde de la gastronomie. On va pousser le vice, si je puis dire, jusqu'au bout. On a la chance, et je vais lui faire un petit peu de publicité parce que c'est quelqu'un qui est bien connu sur Orléans et qui travaille remarquablement bien, qui est un artisan de grande qualité. C'est tout simplement Monsieur Papillon, Sébastien Papillon, le chocolatier. Et on a développé avec lui une bière, une milk stout au gruet de cacao. Qui est absolument délicieuse. Hein, c'est un dessert en soi. C'est vraiment une expression aromatique du cacao. C'est un cacao vénézuélien extrêmement aromatique, extrêmement fruité, très très peu d'amertume. Et on a donc travaillé cette chose-là de manière à ce que nous puissions avoir une extraction la plus fine possible et la plus agréable possible. Donc je partirai sur la base de cette bière qui s'appelle la Touché Macabos, hein, pour faire un petit clin d'œil. Toucher ma cabosse. Et oui, pour faire un petit clin d'œil aux fruits. Là, c'était plus le fruit du cacaotier. On pourrait la marier. Alors là, je vais vous proposer deux accords. Hein, comme on est dans la gourmandise, je vais vous proposer par exemple un mi-cuit aux deux chocolats. Où là, on viendra apporter effectivement de l'aromatique à la gourmandise. Et puis, je vais également vous proposer, par exemple, tout simplement une petite salade de fraises. Hein, vous prenez une Mara des Bois, par exemple, de Saint-Hilaire-Saint-Mémin. Hein, il y a de très très beaux producteurs de fruits rouges sur ce village. Tout simplement, on coupe effectivement notre petite fraise. On vient y mettre un petit filet de miel, par exemple un miel d'acacia qui va être très aromatique. Un petit filet de citron. Pourquoi pas un petit peu de lime, et on va venir marier effectivement cette petite salade de fraises avec la Touché Macabos, et je peux vous certifier que vous allez passer un excellent moment. Et bien en attendant que de digérer ce plat à la bière, ben je vais vous envoyer un petit morceau de musique. En avant maestro. on en est que j'ai reperdu mon speaker, mon invité. Ben j'en profiter pour dire bonjour Monsieur Scholl, comment allez-vous? Ça va mon Didier, bien, je suis content d'être là. Voilà, alors il faut dire que Thierry a été invité donc dans Didier & Co il y a quelques semaines de ça, parce qu'il faisait une exposition à Châteaudun, il en a parlé. Donc Thierry a été photographe de stars. Tout à fait, ouais, toutes les stars, j'essaye de les rencontrer, de les photographier. D'ailleurs, la semaine prochaine, je suis avec Michel Bussy à Leclerc Olivier, qui va venir dédicacer, et je vais lui tirer le portrait. Voilà, oui, parce qu'il tire vraiment les portraits, il rencontre vraiment les gens, et là, actuellement, tu es en exposition, où ça? Alors, je suis en exposition à la mairie de Saint-Jean-de-la-Ruelle, dans le hall, et j'expose une quinzaine de portraits de célébrités, entre autres Pierre Perret, J'ai vu qu'il y avait Simone Veil aussi. Oui, Simone Veil, et puis pas mal de surprises, il faut aller les voir, et puis vous allez les découvrir. D'accord, ben je vois que nos amis hypnotisent, s'amusent un petit peu là avec nos collègues d'Orléans ici. Et je vais retrouver donc mon invité. Thierry, je te remercie du petit passage pour ceci étant dit, Thierry fait aussi office de spotter, hein, il prend beaucoup de photos d'avions. Voilà, puis voilà, il a travaillé notamment dans les photos reportages secours. Thierry, merci de ton passage au stand Arc-en-Ciel 96.2 sur la Foire Expo d'Orléans. Et bien sûr, le podcast sera écouté demain ou après-demain sur Didier & Co. Merci à toi. On va revenir avec Jimmy qui a été libéré de ses occupations. Voilà, donc on en était, on a parlé un petit peu du côté miam miam et bien. D'accord. Hein, voilà. Il faut que je reprenne un petit peu le fil parce que passer du coq à l'âne, c'est pas évident entre deux bières. Et non, il est pas reparti. Si, non, si, non, il je est suis là. Juste là. Voilà. C'est parce que je veux pas. Il était voilà, dans mon dos, parce qu'on est debout. Quels sont vos... Alors, comment se porte le marché de la bière artisanale dans la région, selon vous, selon toi, et quels sont vos principaux canaux de distribution? Ok. Alors, le marché de la bière artisanale dans la région se porte globalement plutôt bien. Alors, il y en a toujours qui diront que ça pourrait être mieux ou que ça pourrait être pire. Mais globalement, on a effectivement des clients qui sont de plus en plus enclins à venir découvrir nos productions, que ce soit les nôtres ou que ce soit ceux des collègues. Hein. Je disais tout à l'heure que j'avais pas de concurrents, je le pense véritablement. Oui, ce sont des confrères, hein, voilà. Exactement, ce sont des confrères. Et puis il y a tellement de matières premières que finalement on fait jamais la même bière. Donc c'est ça qui est génial. Il y en avait qu'un avec tous les gens qui aiment bien ce genre de boisson, à consommer bien sûr avec modération. Toujours. Ça irait pas. Donc voilà, il faut. Il en faut pour tout le monde. Et exactement. Puis, ils n'ont pas la même façon de fabriquer. Il y a des choses en plus, il y a des choses en moins. Exactement. Il y en a avec du chocolat, il y en a sans chocolat. C'est le gros avantage, effectivement, c'est que chacun va avoir sa pâte, chacun va avoir son matériel, et en gros, chacun aura effectivement sa bière. Moi, ce que j'encourage en règle générale les gens, c'est tout simplement d'être curieux. Parce que vous n'êtes jamais à l'abri d'une superbe découverte. Bien sûr. Et d'y prendre beaucoup de plaisir, avec modération. Alors, bien évidemment. Moi, je te cache pas qu'avant, j'étais pas trop bière artisanale, parce que j'en ai dégusté quelques-unes qui m'ont un petit peu pas cassé. Non, voilà, j'ai pas trouvé super bonne, mal préparée ou pas. J'étais un petit peu réticent, et puis petit à petit, j'ai appris à connaître, puis je suis rentré donc dans le milieu, donc avec la brasserie dont je parlais tout à l'heure. Vous, j'ai rencontré d'autres, et voilà. Et quand on voit, bon, c'est vrai que moi j'aime bien aussi visiter, voir. J'ai été voir un petit peu comment ça se passait et tout ça. Et voilà, c'est vraiment passionnant. Et, ah, je partage et, tout à fait. Voilà, après on prend pas trop de ventes, hein, parce que on en boit pas beaucoup, donc juste ce qu'il faut. Juste ce qu'il faut. Il nous reste les principaux canaux de distribution. Voilà. Je vais répondre à ta deuxième question. Alors bien évidemment, il y a de la vente directe, il y a des bars, il y a des épiceries fines, il y a de la grande distribution. C'est un petit peu tout le monde. Et puis on aura également prochainement un espace de dégustation, comme je te le disais tout à l'heure, avec le projet sur Neuville-aux-Bois, qui nous permettra effectivement de réceptionner directement les clients, les amateurs, et de pouvoir leur faire, indépendamment de la visite, une bonne dégustation. Voilà, je pense que vous faites aussi de la visite de la brasserie. Bien sûr, c'est déjà le cas. Je fais des ateliers, je fais plein d'ateliers différents. Je fais des ateliers effectivement de découverte, je fais des ateliers biérologie, zytologie, œnologie un peu plus poussée. L'éthologie, c'est l'histoire de la bière, en fait. D'accord. Hein, dans l'histoire de l'humanité. C'est pour ça que je te pose des questions. Exactement. Oh, je peux te tenir encore 3-4 heures. Non, mais c'est bien. Non, mais Chantal, elle va peut-être pas être d'accord après. Mais ce serait tout à fait normal. Il en faut pour tout le monde. Voilà. Chantal va prendre le relais d'ici 5-6 minutes avec Groove Tropical ou Groove Tropical. Ouais. Et voilà, elle attend impatiemment. Non, chacun son tour. Voilà, chacun son tour. Mais effectivement, on va utiliser un petit peu tous les canaux. Et puis, on est continuellement en recherche de nouveaux partenaires. Et puis, il y a bien évidemment nos clients particuliers qui viennent nous chercher pour tous les types d'événements, que ce soit pour une consommation. Bien sûr, parce que vous faites, on n'en a pas parlé, mais tu parlais de fûts. Bien sûr. Tu parlais de mise en bouteille, mais vous faites de la location aussi. Exactement. On n'en a pas parlé tout ce qu'il faut. De la machine à bière pour les mariages, les anniversaires. Exactement. On est en capacité de pouvoir répondre à toutes les demandes, même des festivals ou des choses comme ça plus conséquents. On a déjà des partenariats en cours et on prend toujours plaisir à participer activement à la réussite des événements qui sont créés par nos partenaires. Voilà. Ben on va arriver un petit peu. Enfin, il y a encore beaucoup de questions, mais on peut malheureusement pas. Oui, c'est normal. Voilà, les faire. Puis bon, on a été un petit peu chamboulé avec la clientèle à servir. Ça, c'est normal. Il faut qu'on travaille tous et il faut laisser les micros présenter. Tout à fait. Il faut que les artisans et le commerçant puissent travailler en même temps. Donc, il ne faut pas qu'ils loupent de vente non plus de clients. Donc, on a vu le côté des canaux de distribution. Mais comment gérez-vous l'aspect écologique, la gestion des drèches, on en parle. Alors là, il y a beaucoup de choses à dire. La consommation de l'eau, les consignes des bouteilles, on en a parlé aussi. Tout à fait. Hein. La gestion des drèches. Ah, je sais pas. Pardon. Ces messieurs dames me demandent si tu vas parler de Martin Pourré. Ah, pas aujourd'hui, c'est pas prévu, mais. Non, mais c'est pas moi là, c'est pas la. Alors, on est en direct, messieurs dames, hein, vous inquiétez pas, là c'est Radio Arc-en-Ciel 96.2, c'est l'animateur principal de la. C'est du live, hein. Vous êtes sur la radio, vous passez dans le monde entier aussi. Hein. Bonjour monsieur, vous appelez comment? Bon, Jacques Drapier, Angerville. Voilà, d'Angerville, madame, c'est madame. Hein, et c'est le prénom, c'est Chantal. Voilà, c'est Chantal. Justement, ça tombe bien, Chantal va prendre la relève aussi tout à l'heure. On vous donne bonne balade. Moi je suis pas l'animateur de la foire, je suis simplement l'animateur du stand. Radio Arc-en-Ciel 96.2 que vous pouvez écouter en streaming sur votre site internet, sur le site internet ou sur le 96.2 en voiture. Voilà. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci, à très bientôt. Voilà, on va y revenir. Il me reste 5 minutes. C'est extraordinaire. Il faut passer, il faut jongler, on monte sur les fils, on fait tout en même incroyable. Temps. Incroyable, du freestyle. Voilà, c'est du freestyle. Et pour terminer, quels sont les plus grands défis auxquels vous faites face aujourd'hui? Matière première, énergie, concurrence. Et je crois qu'on clôturera là parce qu'après, je vais passer un morceau bien musical. Sûr, on laissera, je passerai on donc la passer le micro à Chantal Groove Tropical. Voilà, qui attend avec impatience. Aujourd'hui, le grand défi se situe plutôt effectivement dans la maîtrise des coûts. Hein. On est tous concernés par la hausse des prix de l'énergie. Donc cette chose-là, c'est hyper important pour la viabilité de nos entreprises. Donc forcément, on a un œil très précis là-dessus. On a la chance d'être sur un bassin céréalier de qualité, donc on n'est pas trop enquiquiné sur les matières premières. Et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, moi personnellement, j'ai pas de concurrence, j'ai que des collègues. J'estime qu'il y a effectivement de la place pour tout le monde, à partir du moment où effectivement on travaille en bonne intelligence et surtout dans l'intérêt de nos clients, c'est-à-dire de leur faire découvrir et d'avoir une expérience la plus agréable possible. Moi, c'est ça qui nous anime avec Johan, mon associé, c'est d'essayer effectivement de faire du bon et de partager notre passion, partager effectivement la découverte du monde brassicole de la manière la plus noble et la plus agréable possible. Voilà, et ben c'était donc Jimmy Hendrix, non, Jimmy de la brasserie des Carnutes qui était en direct, sont nos voisins en direct de la foire exposition d'Orléans 96.2, invité le Portugal. Je te remercie d'avoir répondu à mes questions au micro de Radio Arc-en-Ciel 96.2. C'était Didier Enco. On va se terminer en musique et on passera tout de suite après le micro. Bah, avec grand plaisir à toi. C'est vraiment un moment très sympa et excellente continuation à toutes et tous. Moi aussi, PA, il y a toute l'équipe. Il y a Albino et Annabella qui sont en train de techniquer, c'est-à-dire qu'ils sont à la platine et au son. Et en même temps, On va voilà permuter. Je passe juste mon morceau musical et je lui laisse le micro après. Voilà, ils me font plein de signes, je comprends rien. Et c'est juste après Chantal qui prendra. Donc c'était Didier de Didier & Co en direct live, comme dirait notre ami Albino, qu'on rejoindra demain soir à la radio. Je pense qu'on sera à la radio ensemble. Hein. On s'assoira bien sûr l'émission Mavrica. La Mavrica combien, Albino? 680, voilà, il était en direct. On se retrouve demain soir avec Albino et demain après-midi avec moi à la fois. Donc merci auditeurs, auditrices, chers amis et passagers du vol Didier & Co. Et je passe donc le micro à, eh ben, à Chantal Tropique qui va prendre la relève. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci, à bientôt. Bye bye.